son des Maroon 5 sur Fun Radio à l'instant à 6h25. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Le replay est terminé, le warm-up comme on dit est terminé. Et revient demain entre 6h et 6h20 évidemment. Et puis ce matin, bah ça y est, on est prêt, on est ready. On est là jusqu'à 9h30 avec pas mal de choses pour vous ce matin. Pas mal de cadeaux déjà, on va commencer par saluer Julie qui est là également ce matin en pleine forme. Oui, je suis là également et toujours en pleine forme. Bon bah tant mieux. Alors par contre, j'ai goûté un nouveau café. Je me suis dit on va être rock'n'roll, je l'ai fait moi-même et tout, un truc de fou. Alors c'est déjà ça, c'est déjà un truc de fou. Il a fait son café. J'ai même été jusque chez Carrefour hier chercher ma boîte de café. Oh là là, mais oui, je suis impressionné. Et là j'en vois un avec spéculoos à l'intérieur. Je me dis cool, j'adore le spéculoos. Le café j'aime pas trop, mais bon le spéculoos oui. Ouais. C'est dégueulasse. Ah ben voilà. Oh, je le bois mais c'est dur. Hein. Oh là là là là là. Je sais pas si vous avez déjà goûté ça, mais si vous avez des conseils pour le matin, parce que bon c'est vrai que je suis pas du matin à la base. Hein. On fait le matin depuis 2 mois et demi seulement, donc bon. Et si vous avez des bons conseils, n'hésitez pas à me transmettre hein, au 3044 ou sur le Twitter, c'est gratuit comme ça. Sur twitter.com vous tapez Mickaël officiel, voilà, et Mickaël espace officiel ou underscore, enfin vous mettez ce que vous voulez, et Mickaël officiel, vous nous dites. Pareil aussi si vous êtes dans le trafic, hein, comme ça on peut en parler, vous nous envoyez un petit message sur Twitter, on est là évidemment, ou sur Facebook, vous dans les deux cas vous tapez et Mickaël officiel. Voilà, Tof qui est à la machine à café certainement. Hein. Ah mais comme d'habitude. Bah comme d'habitude. Voilà, nous on est là, c'est on, est ça, prêt, on est prêt, alors que lui, heureusement. Il prend encore son temps, comme imagine, il on serait va. Tous à la machine à café à ce tour-ci. Ouais, sur les autres radios. Non, eux c'est pire, ils sont dans leur lit. C'est encore pire, parce qu'effectivement, il faut le savoir que pendant cette semaine, on salue tous les nouveaux auditeurs des autres radios qui ont été abandonnés lâchement par leur équipe du matin. Et bon, bah voilà, du coup, bah forcément, ils sont venus vers nous. Et puis, bah j'espère que vous resterez chez nous, car vous voyez, nous ne sommes pas des lâcheurs, nous. Et donc, nous avons à vous filer justement cette semaine des écrans plats. Ce sera avec des packs Nintendo Wii également. Dans quelques minutes, je vous donnerai une petite devinette qui colle ce matin. On aura évidemment la ligne anti-relou. On vous remboursera vos factures, comme on le fait d'ailleurs depuis le mois d'août, depuis le début du mois d'août. On a remboursé déjà plus de 3 500 €, je crois, un truc comme ça, ce qui est pas mal. On a offert déjà plus de 60 ou 70 écrans, je crois, des écrans plats, des dizaines pas, de consoles, hein. Oui. Donc ça va quoi, ça va, hein, on se fout pas de vous non plus quand même. Et puis ce matin, évidemment, on aura Football Manager 2012 à vous filer. Petite question par rapport à la Ligue des Champions hier soir. Voilà. Mais en tout cas, normalement, Julie ne devrait pas donner d'informations à ce sujet-là dans les infos. La Ligue des Champions, oui, mais en tout cas, pas la réponse à la question que je vais poser dans un instant. Bah voilà, Tof, qui revient de la machine à café en pleine forme. Mais écoute, la machine à café est en pleine forme. Ah, je m'étais à dire est en panne. Je me dis tiens, c'est bizarre, c'est pas non, du style la de la maison pourtant. Hein. Très très bien, nous avons fait l'amour ce matin. Ah bah tant mieux, alors me voilà rassuré. Ah, bon, oui. Et puis la petite devinette qui colle ce matin. Déjà j'espère que vous aussi vous avez passé une bonne nuit au fait, parce que c'est vrai que je vous ai pas demandé la bonne nuit et bonne journée hier. En tout cas, on est prêt pour une bonne matinée ce matin. Et donc attention, on va se préparer maintenant, puisque attention, il y a la devinette qui colle. Écoutez bien. Pour unir et pour rassembler, son pas doit être enfoncé. Pour ce faire, il n'y a qu'une recette. Il suffit de lui tourner la tête. Qui est-elle? Un indice, ça se passe toujours, en tout cas très souvent, au niveau des bricoleurs. Voilà, ça s'utilise avec un tourne... Ah oui, ok, d'accord. Voilà, bah quoi? Bon bah ça va, c'est pas très très compliqué. Cruciforme ou plat? Si vous avez la bonne réponse, hein, 6322, c'est 1 € le message. Et donc, comme je le disais, écran plat pour vous ou des packs Nintendo Wii, c'est vous qui choisissez. Je répète la devinette qui colle. Pour unir et pour assembler, son pas doit être enfoncé. Pour ce faire, il n'y a qu'une recette. Il suffit de lui tourner la tête à l'aide d'un tourne en croix ou plat par exemple. Hein. Donc qui est-elle? 6322, bonne chance. 6h29 sur Fun Radio, l'info arrive aussi. Enrique Iglesias, pareil, avec Pitbull. I like how it feels sur Fun Radio. Ça va arriver dans un instant. Et avant ça, les mauvaises nouvelles de Julie à 6h29, c'est l'info. Bonjour à tous, un bijoutier a abattu l'un de ses agresseurs hier soir à Esneux en province de Liège alors qu'il rentrait chez lui. Le commerçant a été attaqué par deux hommes qui l'avaient poursuivi depuis son magasin. Le bijoutier, qui était armé, a réussi à s'emparer de son pistolet et a fait feu sur les deux hommes qui l'attaquaient. Les deux individus ont alors pris la fuite, mais l'un d'eux s'est effondré quelques dizaines de mètres plus loin et il est décédé sur place. La police est arrivée sur les lieux et a saisi l'arme du bijoutier. Politique, chaque parti qui négocie devra rendre un plan pour trouver 11,3 milliards d'euros et boucler le budget 2012. Des échanges d'informations complémentaires seront aussi prévus cet après-midi entre les équipes du formateur Elio Di Rupo et celles des présidents de parti. Des groupes de travail thématiques portant sur le budget, évidemment, sont également à l'ordre du jour dès demain avec les experts des 6 partis. Les violences conjugales ont augmenté de près de 12% en 4 ans. Les 27 parquets correctionnels du Royaume ont ouvert l'an dernier 58 094 nouveaux dossiers concernant ces violences conjugales, ce qui traduit une hausse constante depuis que des statistiques en la matière existent. L'augmentation des cas recensés peut partiellement s'expliquer par le fait que cette pratique d'enregistrement est assez récente et qu'il est nécessaire que le personnel administratif des parquets se familiarise avec la pratique. La Grèce doit décider si elle veut rester dans la zone euro ou non. Hier soir, Georges Papandréou a rencontré Nicolas Sarkozy et Angela Merkel lors d'un mini-sommet de crise à Cannes. Une réunion d'urgence suite à l'annonce de Papandréou d'organiser un référendum en Grèce. La chancelière allemande et le président français ont déclaré qu'il n'y aura pas de versement pour la Grèce tant qu'elle n'aura pas clarifié sa position. Le référendum annoncé par Athènes devrait avoir lieu le 4 décembre prochain et son enjeu sera l'appartenance ou non de la Grèce à la zone euro. La Syrie a accepté le plan arabe de sortie de crise lors de la réunion ministérielle de la Ligue arabe au siège de l'organisation au Caire. Le plan prévoit un arrêt immédiat de la violence et le retrait des chars afin d'adresser un message rassurant à la rue syrienne avant l'amorce d'un dialogue national avec l'opposition, alors que plus de 30 personnes ont encore perdu la vie mercredi dans la province de Hama. Parmi ces victimes, on dénombre 15 membres des forces gouvernementales. Et puis enfin en sport, football, en deuxième partie de la 4e journée des Ligues des Champions, l'Inter Milan a battu Lille d'Eden Hazard 2-1, le Benfica d'Axel Witsel a fait match nul 1-1 face au FC Bâle. Le Bayern de Munich de Daniel Van Bunten a battu Naples 3-2 et Villarreal s'est incliné 3-0 face à Manchester City de Vincent Kompany. Et restez bien là puisqu'il y a Enrique Iglesias qui arrive dans un instant avec Pitbull, I Like How It Feels. Et ça tombe bien, tu n'as pas parlé du Real de Madrid qui a gagné, si mes souvenirs sont bons. Je n'ai malheureusement pas le temps de parler. Ah oui, bon, enfin bon, ils ont gagné 2-0, mais c'est pas ça l'important. Ça va parler du Real pour gagner Football Manager 2012, mais par rapport au match d'hier soir, j'espère que vous avez suivi ou en tout cas allez vous informer un petit peu plus. Enrique arrive dans un instant et 6h32, c'est la météo. Eh bien, aujourd'hui, le ciel ça va commencer avec quelques éclaircies et puis finalement, c'est des faibles pluies qui vont venir par le sud-ouest. Lève-toi, regarde, il fait beau et tiens, prendre ça. C'est un petit peu ça, quoi. Donc, mais c'est une perturbation un peu active. Donc, elle va être assez douce aujourd'hui. Le mercure va atteindre de 15 à 20 degrés. Par contre, demain, là, la perturbation arrosera copieusement le pays. Tout à fait. Et je voulais saluer également ces grands météorologues, puisqu'il y en a qui ont dit que l'hiver sera rude à moins 25 degrés et d'autres qui disent non, au contraire, il sera relativement doux. Voilà. Ah, je l'avais dit, hein. Donc merci à eux de nous éclairer sur ce point. Nous saurons comme d'habitude qu'il ne faut pas compter sur la météo. Fun Radio. Bon, on va quand même faire l'info en plus. Y a pas de raison. Eh bien l'info en plus, sais-tu ce qui un mets assez délicieux au Vietnam? Est-ce que tu peux penser à quelque chose? C'est une viande. Qu'est-ce que tu penses qu'ils peuvent manger au Vietnam? Parce qu'ils sont en manque de cette viande pour le moment. Ils sont en manque de cette viande. Ouais, à cause des inondations, parce que cette bête est morte, quoi. Dans les... Je sais pas. Eh bien des milliers de rats sont morts au Vietnam. Quel dommage. Et donc ils privent les Vietnamiens d'un mets très apprécié. Mais parce que oui, les Vietnamiens adorent manger du rat. Mais le problème, c'est que les rongeurs sont morts noyés dans les pires inondations qui ont touché le pays depuis 10 ans. Et voilà que maintenant, ils se retrouvent avec un gros problème parce que chaque année, 17 tonnes de rats sont exportées. Bah oui, parce qu'ils ont beaucoup de rats apparemment là-bas. Mais le problème, c'est que les inondations, eh bien, elles ont tué toutes les petites bêtes. C'est marrant parce que j'ai toujours dit aussi, j'aimerais bien aller au Vietnam, mais il faudrait que je prenne ma petite. Voilà, c'est un frigo box. C'est un petit peu le problème parce que moi, je me rappelle quand même que j'ai été au Vietnam il y a 2 ans et on a mangé. Donc, alors ça va, la vie est belle quand on est journaliste. Bien sûr. Et on a mangé dans une petite aubette dans la rue parce que voilà, c'est un peu le. C'est comme ça là-bas. Le soir, ils s'installent et ils mangent dans la rue, ils font des petits restos dans la rue. Et on a quand même été manger dans un. Je ne sais pas trop ce que j'ai mangé, je m'inquiète. Peut-être que j'ai mangé du rat. Moi j'ai mangé du crocodile un jour, c'est pas où c'est bon. Ah oui, ça moi aussi, c'est entre le poulet et le poisson. Ouais, c'est ça, c'est un truc assez bizarre. 6h34, on va peut-être parler d'autre chose le matin au petit-déj parce que qu'ils arrivent du rat, du crocodile. Il y en a qui sont bizarres chez eux. Surtout qu'il y a quand même plein d'auditeurs d'autres radios qui nous rejoignent ce matin, puisque forcément abandonnés par les ex-heures, justement, les ex-leurs plutôt. On va s'écouter Enrique Iglesias ce matin avec Pitbull sur Fun Radio. I Like How It Feels. Et je vous rappelle la devinette qui colle dans un instant sur Fun. C'est nickel à la radio, sur Fun Radio. Le son à l'instant d'Enrique Iglesias sur Fun Radio avec How I Like It Feels. Il est 6h38, bon réveil tout le monde. Je vous rappelle la petite devinette qui colle ce matin pour repartir avec un écran plat ou des packs Nintendo Wii. Écoutez-la bien. Pour unir et pour assembler, son pas doit être enfoncé. Pour ce faire, il n'y a qu'une recette. Il suffit de lui tourner la tête. Ça sert en général à accrocher quelque chose au mur, par exemple, ou à mettre deux planches l'une avec l'autre, ou enfin bref, à attacher en règle générale, pour voir détacher aussi d'ailleurs. Donc ça peut exister en forme de croix ou en plat, tout simplement. Si vous avez la bonne réponse, 63,22, c'est 1 euro le message. On l'utilise aussi avec un tourne. Donc, quelle est l'info avec Justin Bieber, a priori? Eh bien, c'est presque la fin de Justin c'est Bieber. C'est pas vrai. Si. Ah, à cause de ses... Eh bien, écoute, oui, à cause de ses testicules. Mais oui, c'est en normal. Fait, le il ne peut chanteur... pas plus se reproduire, quel dommage. Mais ouais, mais le chanteur ne pourra bientôt plus pousser sa voix dans les aigus, comme l'a annoncé son producteur, Scooter Braun. Son producteur lui a dit, comme tu dis maintenant, Tof, c'est un petit peu ça, c'est couilles pendent. Vocalement, les testicules de Justin Bieber sont descendus. Eh oui. Bah, à un moment donné, il fallait bien qu'il mue. Hein. Bah, écoute, donc, c'est ça, lors d'un enregistrement d'une chanson avec Mariah Carey que la mue vocale du chanteur s'est fait entendre. Ah, bah, il interprétait All I Want for Christmas. Ah, ouais, c'est ça, une chanson qui figurera sur un album de Noël. Et sa voix s'est enrouée et Justin Bieber n'est pas parvenu à chanter aussi aigu que d'habitude. Eh oui, bah, mais fallait s'y attendre. Hein. Ah ouais, à un moment donné, il faut s'y attendre. Eh ouais. J'ai déjà reçu deux fois l'interview, deux fois il a joué à la console pendant toute l'interview. C'était sympa. Allez, arrête. Non, c'est bien marré. Hein. Mais c'est un bébé, quoi. Maintenant, bah, il est oui, un peu plus bien. Grand. Tu l'as reçu il y a deux ans, en probablement. Même temps, ouais, il y a deux ans, ouais. En même temps, bon, on l'avait fait exprès, on lui avait ramené plein de bonbons, on lui avait ramené des consoles à la console. Bah ouais, mais avec voilà. Guitar Hero, je crois que c'était. Ouais, c'est ça. Et il jouait, il était content, il était bien. Ah, mais c'était un bébé. Là, maintenant, il commence à devenir un peu plus grand. Et d'ailleurs, voilà. Ah oui, maintenant, il saura plus chanter, donc on sera bien avancé, tiens. Voilà. Ouais, bah, tant mieux. Il pourra garder la Ferrari. Ouais, ouais, bah oui, ouais, bah, certainement, ouais. Ah, bien sûr. 7h-20 sur Fun Radio. Bon réveil, tout le monde. Dans un instant, la ligne anti-relou ce matin. Et puis, nous allons bien évidemment parler de l'info trafic. Si vous êtes témoin d'un problème sur les routes, n'hésitez pas à nous le transmettre. Nous transmettre l'info par SMS au 30 44, c'est 50 centimes le message, ou alors Twitter et Facebook. Dans les deux cas, vous tapez MIKL officiel pour nous retrouver, comme ça vous nous envoyez le message direct et on le lit direct aussi à l'antenne. Dans un instant, Likili débarquera sur Fun Radio dans le morning avec I Follow Rivers. On vous filera Football Manager aussi tout à l'heure. J'espère que vous avez regardé, ou en tout cas vous vous êtes informé du match d'hier soir entre le Real et l'Olympique Lyonnais, car la question portera sur ce match. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean Roch. Tous les matins j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. Il est 7h15 sur Fun Radio. Bon réveil. Nous allons parler des problèmes sur la route maintenant, avant d'écouter Likili dans un instant. Eh bien, il ne se passe absolument rien. Eh bien, tant mieux. Eh bien, écoute, j'ai envie de te dire, effectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Ouais, à part les radars, hein, aux oui. endroits habituels. Mais... voilà, normal, quoi. Très et bien. Et surtout qu'il commence à pleuvoir quand même sur l'extrême ouest du pays. Donc, le véhicule ah, ouais. de ce côté-là. Bon, bah, très bien. Bah, faites attention. Message qui est arrivé. Je kiffe la team du matin et la team du soir. Bah, écoute, c'est gentil. Le soir, c'est Vince donc, avec la libre antenne et la B2C, entre autres. Et Cathy qui a montré ses seins, apparemment, Cathy, en tout cas. Ah, oui, j'ai vu une photo qui a tourné. Le soutif, le soutif. Ah, ouais, enfin, il y a déjà du monde au balcon. C'est ça, Julie le râlait. Elle dit mon Dieu, j'aimerais bien voir la même chose. Ouais, mais ça c'est facile, elle va chez voir son chirurgien, alors pareil. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais. Ah, bon, ouais. Allez voir sur Facebook si vous voulez. Et puis, si vous êtes témoin d'un accident, d'un problème sur la route, n'hésitez pas à nous communiquer d'info au 3044 par SMS et 50 centimes le message, ou alors gratuitement sur Facebook ou Twitter. Vous pouvez nous suivre sur MIKL officiel. Voilà, comme ça vous savez tout. Et on va se faire maintenant la ligne anti-relou de ce matin. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Voilà la ligne anti-relou ce matin sur Fun Radio. C'est un numéro que nous mettons à votre disposition. Il est là, il est pour vous. Profitez-en. À quoi il sert, vous allez me dire? Eh bien, il sert à vous débarrasser de tous les relous. Que ce soit quelqu'un qui vient vous draguer de manière un petit peu lourde, justement. Tiens, vous lui donnez ce numéro-là en disant « Non, écoute, j'ai pas le temps, mais rappelle-moi, tu m'intéresses. » Le mec va lâcher l'affaire direct en disant « Ok, pas de problème, j'ai son numéro et les choses comme la braise après moi, c'est génial, j'ai fait l'affaire du siècle. » Ça peut pareil, ça peut marcher aussi avec, je ne sais pas moi, un flic par exemple. Ça peut fonctionner avec votre prof, un directeur, un mec un peu lourd qui viendrait vous voir à l'école par exemple en... je sais pas, genre c'est ton meilleur ami, tu vois, alors qu'en fait pas du tout. Bref, donnez-lui ce numéro 0-473-86-00-13. Voici une personne que nous avons sauvée, enfin plutôt la personne qui aurait dû être victime de celle-ci, écoutez. 36. J'ai un petit gars, il y a un accident à la voiture. Ouh là là. Pour revenir ce soir, je te rappelle demain ou après-demain. Salut. Ouais. Ouh là là, c'est difficile. Ah, lui, il a l'air en pleine forme. Hein. Ouh là là, là. Ouh là là, il a l'air en magnifique forme. Bon, eh bien, je propose que nous passions directement au deuxième message. Salut, ma petite chérie. Bah, écoute, je t'envoie le message que je t'ai dit. Eh ben, j'ai envie de te faire des câlins partout et des bisous sur les lèvres d'en haut et aussi sur les lèvres d'en bas. Bisous. Oh là là. Waouh, mais oh, ça t'excitera. Arrête un petit peu là, mais Julie. Là. Julie, pas à nous. Pas à nous là. Hein, on sait bien que t'es sur les 0,900, je sais pas combien. Ouais, là. Mais bien hein, sûr. Toute la journée. Réveillez-vous les garçons, vous êtes en train de dormir là. Non, non, on dort pas, hein, t'inquiète pas, hein, t'inquiète pas. Bon, allez, troisième message ce matin. Maria, c'est Michel, je n'ai plus de nouvelles de toi. Après ta grippe, ta cheville qui t'est abîmée, J'espère que t'es pas allé encore un pépin. À bientôt, chérie. Oh là, c'est très dur, celui-là. Il doit venir du nord de la France ou alors de tournée, tu vois. C'est parce qu'il est un peu ch'ti, donc à mon avis, c'est ça. Soit c'est quelqu'un qui nous écoute depuis le nord de la France, soit c'est quelqu'un qui est dans tournée, on va dire quand même quelque chose comme ça, quoi. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, le numéro de la ligne anti-relou est là pour vous. 0473 86 0013. On remet le couvert dans moins d'une heure, donc restez bien là. Il y a 6h48. Avant d'avoir Toff pour faire chier le monde. Oui, oh là là. On va faire chier qui, Toff, ce matin en deux mots? Nous allons faire chier des couples. D'accord, très bien. On fait ça dans un instant, le temps d'écouter Likili maintenant. C'est I Follow Rivers. Bonne matinée. Likili sur Fun Radio ce matin, 6h51, avec la devinette qui colle pour repartir avec un écran plat ou un pack Nintendo. Oui, c'est vous qui choisissez le cadeau, ça qui est cool. Hein. Pour unir et pour assembler, son pas doit être enfoncé. Pour ce faire, il n'y a qu'une recette. Il suffit de lui tourner la tête. Qu'est-ce que c'est? Si vous avez la bonne réponse, 6322, vous envoyez votre message maintenant. C'est un euro le message et on vous rappelle dans un instant, peut-être pour vous offrir votre écran plat ou votre pack Nintendo. Oui, un indice, ça peut être cruciforme ou plat. Ce n'est pas l'objet qui sert à l'utiliser qu'on cherche, c'est bien l'objet. Donc quand j'ai dit on l'utilise avec un tourne, ce n'est pas ça qu'on cherche. C'est l'objet qui est planté dans le mur, par exemple, qu'on cherche, hein, pas celui qui sert à planter le truc dans le mur. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas j'ai essayé. Je peux pas dire le verbe, bon, mais on plante pas ça dans le mur. Tu ne le plantes pas, tu peux le visser. C'est plutôt ça, oui. Voilà, tout simplement. Si vous avez la bonne réponse, 63-22. Bonne chance tout le monde. Bon, on va faire chez qui alors ce matin, Toff? Alors, ce matin, j'ai décidé d'aller prendre la tête à... Comment dire? Au couple, t'as dit tout à l'heure. Voilà, oui, c'est ça, en fait. Parce que, voilà, j'en ai marre qu'on fasse des avances à ma femme. Mais qui fait des avances déjà? Bah, je sais pas si vous avez vu cette info, en fait, il y a un mec, il a tué son voisin parce qu'il était persuadé que, en fait, le voisin avait une aventure avec sa femme. Ah bon? Ouais, par télépathie. Ah, très bien. Et tu vas appeler pourquoi alors? Bah pour dire que je suis au courant de leur liaison, il faut que ça s'arrête tout de suite, quoi. Ah bah bien sûr, évidemment. Bon, bah, liaison très bien. Par télépathie. Bah voilà, écoute, on va appeler où alors? À Féchaud. Ah bah oui, tiens, ça tombe très bien en plus. Ah, hein. Évidemment. Alors, c'est parti, on y va, on appelle à Féchaud. C'est parti. Si vous avez d'ailleurs des numéros de téléphone, vous connaissez des couples qui sont un peu tendus, si nous on peut achever, hein, n'hésitez pas, bien sûr, 3044 par SMS. Ouais, des couples où le mari ou la femme pourrait être un petit peu un petit peu chaud. Voilà, donc Facebook et Twitter, vous nous communiquez MIKL officiel pour nous suivre. Allez, c'est parti, on y va, on appelle. Alors. Dans cette heure-ci, ça va être complexe comme chaque fois. Oui. Ah. Ouais, allô. C'est qui là? Ouais, c'est Robert, il est là ton mari? Quel Robert? C'est qu'est-ce que ça peut te faire? Je parle à ton mari tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il essaie de faire des avances à ma femme et ça c'est pas possible. Hein, ça... Vous devenez fou, vous? Non, je suis pas fou. Je suis pas fou. Je sais qu'il essaye par télépathie de faire des avances à ma femme, qu'il essaie de coucher avec. Elle m'a fait la musique chez elle. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Robert. Oui, mais Robert, comment? L'amoureux. Mais dites-moi, monsieur, qu'est-ce qui vous prend? Monsieur, écoutez, est-ce que vous savez quel âge a mon mari? Ouais, ouais. Ben justement, c'est ça qui est encore plus dégueulasse. C'est que c'est un petit vieux qui fait des avances à ma Jocelyne. Et ça, madame, c'est pas tolérable. À Jocelyne? Ouais, Jocelyne, ouais. Vous m'avez éveillé en sursaut, j'ai le cœur qui bat. Je fais de la fibrillation, oui. C'est scandaleux ce que vous faites. Ah, et parce que ton mari qui fait des avances à ma femme par télépathie, c'est pas scandaleux, hein? Mais c'est... si vous allez vous taire comme une tête tranquille, ou bien j'appelle la police. Je ne deviens pas fou. Bah, c'est normal. Qu'elle allait faire une oui, c'est ça, Toff, t'as l'enfoiré, on va encore se ramasser des messages. Et pour le coup, à juste titre. Ah ouais, non, attends, ça là. Va, à juste titre. De la crise cardiaque. C'est ça, la pauvre. Bon, alors, ouais, on rappellera tout à l'heure. Il a qu'à son mari, il a qu'à pas draguer ma femme. Bon, si vous avez des numéros de téléphone de personnes jeunes, qu'on risque pas non plus un drame, n'hésitez pas à nous transmettre, évidemment, au 3044 ou alors Twitter et Facebook. Vous nous suivez sur MIKL officiel. C'est aussi simple que ça. Dans un instant, la foire. Avec Julie, et puis je vous poserai la question aussi pour repartir avec Football Manager 2012. On proposait une cheville pour la réponse à la devinette qui colle. Non, pas du tout. C'est ce qu'on met dans la cheville en fait qu'on cherche. Voilà. Allez, Laurent Wery maintenant, c'est Hey Hey Hey. Le son de Laurent Wery à l'instant sur Fun Radio à 6h58, c'était Hey. Fun Radio. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun. Radio. Exactement, et à 6h58, bon réveil tout le monde. Dans un instant, c'est l'info de Julie qui va débarquer. Et nous aurons aussi le son de Pitbull avec Marc-Anthony, ce sera Rain Over Me. Donc restez bien là. On passera également tout à l'heure avant 7h30. Il y aura aussi le son du Dre aussi. Très bon ça, Dr. Dre qui sera avec nous. David Guetta aussi avec Usher et Without You. Ça va débarquer. Et puis Football Manager 2012, c'est le jeu Sega sur PC qu'on vous file toute la semaine, le matin et le soir dans la libre antenne. Et écoutez la petite question. Le Real de Madrid a gagné hier soir 2-0 face à l'Olympique Lyonnais. Mais quels étaient, de qui venaient ces deux buts? Un doublé pour être précis. Voilà. Oui, on a un petit peu l'habitude. Hein. Oui, mais enfin, ça aurait pu être quelqu'un d'autre hein, pour le coup. Mais enfin, bon, voilà. En l'occurrence, c'était lui sur un coup franc et sur un pénalty. Quel était l'auteur du doublé qui a mis 2-0 face à Lyon? C'était pour le Real de Madrid. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, vous débutez le message par FM12. Vous mettez ensuite votre réponse, tout simplement. Et puis, on vous rappelle peut-être d'ici 30 minutes pour vous offrir Football Manager 2012, le nouveau jeu qui vaut quand même bien cher. Hein, donc, on vous file ça gratuitement ce matin. Le jeu Sega sur PC. Quel est l'auteur du doublé hier soir pour le Real de Madrid face à l'Olympique Lyonnais qui a fait que le Real a gagné 2-0. Bonne chance tout le monde, 63-22, débutez le message par FM12. Voilà, bonne chance tout le monde. Dans un instant sur Fun Radio, je vous l'avais annoncé, c'est le son de Pitbull qui arrive. Pitbull qui sera avec nous d'ailleurs au Starfloor. Ce sera fin novembre, on aura l'occasion de vous en reparler. Rain Over Me, ça arrive. 6h59 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. Nous allons passer maintenant à l'information avec Julie Sparti. Bonjour à tous. Un bijoutier a abattu l'un de ses agresseurs hier soir à Esneux, en province de Liège, alors qu'il rentrait chez lui. Le commerçant, âgé de 67 ans, a été attaqué par deux hommes qu'il avait poursuivis depuis son magasin. Le bijoutier, qui était armé, a réussi à s'emparer de son pistolet. Il a fait feu sur les deux hommes qui l'attaquaient. Les deux individus ont alors pris la fuite, mais l'un d'eux s'est effondré quelques dizaines de mètres plus loin. Il est décédé sur place. La police, arrivée sur les lieux, a saisi l'arme du bijoutier. Politique, chaque parti qui négocie devra rendre un plan pour trouver 11,3 milliards d'euros et boucler le budget 2012. Des échanges d'informations complémentaires sont aussi prévus cet après-midi entre les équipes du formateur Elio Di Rupo et celles des présidents de parti. Des groupes de travail thématiques portant sur le budget sont également à l'ordre du jour dès demain avec les experts des six partis. Les violences conjugales ont augmenté de près de 12% en 4 ans. Les 27 parquets correctionnels du Royaume ont ouvert l'an dernier 50 094 nouveaux dossiers concernant des violences conjugales, ce qui traduit une hausse constante depuis que des statistiques en la matière existent. L'augmentation de ces cas recensés peut partiellement s'expliquer par le fait que cette pratique d'enregistrement est assez récente et qu'il est nécessaire que le personnel administratif des parquets se familiarise avec la pratique. La Grèce doit décider si elle veut rester dans l'euro ou non. Hier soir, Georges Papandréou a rencontré Nicolas Sarkozy et Angela Merkel lors d'un mini-sommet de crise à Cannes. Une réunion d'urgence suite à l'annonce de Papandréou d'organiser un référendum en Grèce. La chancelière allemande et le président français ont déclaré qu'il n'y aura pas de versement pour la Grèce tant qu'elle n'aura pas clarifié sa position. Le référendum annoncé par Athènes devrait avoir lieu le 4 décembre prochain et son enjeu sera l'appartenance ou non de la Grèce à l'euro. Les Européens doivent se retrouver à nouveau ce matin avec les dirigeants espagnols et italiens pour coordonner leur position avant le sommet des 20 principaux pays riches et émergents de la planète, toujours à Cannes. La Syrie a accepté le plan arabe de sortie de crise lors de la réunion ministérielle de la Ligue arabe au siège de l'organisation au Caire. Le plan prévoit un arrêt immédiat de la violence et le retrait des chars afin d'adresser un message rassurant à la rue syrienne avant l'amorce d'un dialogue national avec l'opposition, alors que plus de 30 personnes ont encore perdu la vie mercredi dans la province de Hama. Et puis enfin en sport, en deuxième partie de la quatrième journée de la Ligue des Champions, l'Inter Milan a battu Lille 2-1. Le Benfica a fait match nul 1-1 face au FC Bâle. Le Bayern de Munich a battu Naples 3-2. Villarreal s'est incliné 3-0 face à Manchester City. Et le Real de Madrid a battu Lyon 0-2. Je croyais que juste pour m'emmerder, tu avais donné le nom du buteur. Non, le buteur des deux buts d'ailleurs. Bon, 7h02 sur Fun Radio dans un instant. Restez là, Pitbull Pitbull et Marc-Anthony débarquent sur Fun avec Rain Over Me et nous passons à la météo maintenant. Le ciel sera très chargé en début de journée, puis quelques éclaircies et finalement de faibles pluies par le sud-ouest l'après-midi avec l'arrivée d'une perturbation peu active. Le mercure atteindra 15 à 20 degrés. Demain, la perturbation arrosera copieusement le pays. Très bien, bah une bonne nouvelle. Tiens donc, si vous vous levez ce matin là, profitez bien de la météo car cet après-midi, bah, ce sera l'heure de faire la petite sieste. Voilà. Une longue sieste, même jusqu'à demain, tiens. Pitbull arrive, comme je vous le disais, et on va vous rembourser vos factures aussi dans 5 minutes là. Si vous voulez vous inscrire, 6322, débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Premier appel ce matin, et comme je le dis en général, à 7h10, il y a plus de chances de gagner qu'à 8h10, puisque bah, forcément, il y a plus de gens qui dorment, donc moins d'auditeurs. Voilà, c'est un conseil. Fun Radio. Fun Radio. Stéphane Radio, il est 7h04. Dans un instant, remboursement des factures. Je vous l'avais dit, 61,50€ pour la taxe de mise en circulation, 129€ pour une UI, 25€ pour Martine, mais on ne sait pas ce que c'est. Ah, c'est pour un GSM. Il y avait quoi aussi, 66€ pour l'électricité. Bref, c'est peut-être chez vous que nous allons appeler d'ici quelques instants. 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Bonne chance. Bon, alors, quelle est l'info en plus? Alors toi, Mickaël, tu as les yeux bruns, oui, tout comme moi. Est-ce avec que tu un as petit déjà... reflet vert quand tu as du beau temps. Rien de tout. Si, quand c'est du beau temps, si. On appelle arrête ça un peu, caca. Là. T'as vu les tiens? Mais moi, ils sont bruns, ils sont noisettes, moi. Bon. Les bah si, ils sont oh noisettes. Là, là, bon, en tout cas, peut-être que tu as déjà rêvé d'avoir les yeux bleus, je ne sais pas. Non, pas des masses, non. Bon, bah en tout cas, si tu avais rêvé de ça, maintenant, changer la couleur de tes yeux, c'est possible. Oui, mais ça fait longtemps, hein. Comment ça? Bah tu m'es gentil. Non, justement. Mais définitivement. Ah, définitivement. Oui, c'est un. Oui, devient aveugle. Médecin, voilà, c'est un comme médecin, ça s'est changé, tiens. C'est un médecin de Laguna Beach, en Californie, qui affirme être en mesure de nous aider, enfin, en tout cas, aider ceux qui veulent changer la couleur de leurs yeux, passer du brun au bleu, parce que le contraire, c'est un petit peu plus compliqué, parce que la technique, en fait, c'est un laser qui travaille à une fréquence spécifique, c'est pour le détail. En fait, il enlève le pigment de la surface de l'iris. Et le médecin explique que sous la couche de pigment brun, tout le monde a les yeux bleus. Ah bon? Et donc voilà, donc avec ce laser, il enlève la couche de l'iris. Alors il affirme évidemment que c'est sans danger, bien sûr. Pour la vue, pour enfin voilà, sans douleur, etc. La procédure ne dure qu'une vingtaine de secondes. Mais après, il faudra attendre 2 à 3 semaines pour que les yeux perdent vraiment leur pigmentation brune. Et le coût de l'opération, tu donnerais combien? $5 000. Exactement. Oh putain! $5 000. Tout seul. Ouais, non, bien joué. 3 600€. J'aurais dû jouer au juste prix, moi, je savais. Ah ouais, voilà. Là, t'aurais j'ai gagné quoi? Direct. Toute ma reconnaissance. Ah bah génial, tiens, ça me fait une belle chance. Je sais que tu vis pour ça. Ah ouais, pour non. Bah en fait, non, pas du tout. Non. Bon, bah je vais garder mes yeux bruns, je pense. Hein. Ah bah écoute. Je prends pas le risque. Ce serait con d'avoir les yeux bleus cachés par des lunettes de soleil tout le temps, tu vois. Ce serait quand même complètement idiot. Non, mais ça me paraît très fou en fait. Ouais, ça me paraît un peu improbable. Je trouvais l'info assez dingue, donc. Mais ça me paraît quand même assez fou d'aller quand même enlever la couche de l'iris pour aller chercher le bleu qu'il y a derrière. Je crois que c'est pas super bon quand même. Mais est-ce que vous feriez ça, vous, justement, tiens, vous qui êtes derrière la radio, dans la voiture, chez vous, la maison, est-ce que vous feriez une opération comme ça, même si on vous dit c'est sans risque, pour avoir les yeux bleus, justement, une opération qui dure certes 20 secondes, qui coûte $5 000, vous nous dites, tiens, 3044, ou alors Twitter ou Facebook, vous nous suivez sur MIKL officiel. Bonne chance tout le monde. Je vais répéter l'énigme dans quelques instants et le son de Pitbull avec Marc-Anthony tout de suite. Rain Over Me et le remboursement des factures, c'est juste après. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Salut Mickaël, c'est Alizé Poulicek. Je te verrais bien en Miss Wallonie, mais faudrait quand même refaire les dents, faudrait refaire le sourire, faudrait refaire les abdos, faudrait refaire les pectos. En fait, faudrait tout refaire. Mickaël. À la radio. Le son de Pitbull à l'instant sur Fun Radio avec Marc-Anthony. C'était Rain Over Me, bonne matinée. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Mais oui, tous les matins sur Fun Radio, c'est comme ça que ça se passe. 7h10, 8h10 et 9h10, on appelle quelqu'un au hasard. Quelqu'un au hasard de parmi ceux qui se sont inscrits, évidemment, au 6322 code facture. Par exemple, 99,95€ pour Electrabel, 165€ pour les poubelles, Yves Rocher, 84€, 55€ pour un radio réveil, 59,78€ pour le traitement pour avoir un bébé, 61,50€ pour la taxe de mise en circulation de la voiture ou de la moto, je ne sais pas. Bref, on appelle quelqu'un qui s'est inscrit. Sachez que vous pouvez le faire également si vous le souhaitez. 6322 également, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Quand je dis code, c'est qu'il faut débuter le message par facture en fait. On appelle quelqu'un maintenant, combien on va rembourser? 25€. Oh. C'est pas grand chose. Non. C'est pas. Ah, vous avez qu'à payer de votre poche, on rappelle quelqu'un d'autre. De toute façon, ça va décrocher a priori. Si elle décroche cette personne en répondant bien à la question. Ah bah c'est dommage, elle décrochera pas. n'est pas disponible actuellement. Oui, bon, on a bien compris son nom, tiens. Message après le signal sonore. Pour terminer, raccrocher ou appuyer sur le carré pour d'autres options. Merci de votre appel. Oui, bonjour, tu as un magnifique répondeur. On n'a pas compris ton nom, malheureusement, c'est dommage. C'était Mickaël. Oui, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Et on t'appelait pour rembourser ta facture. Oh bah, c'était 25 euros, certes, c'est pas grand chose, mais enfin non, quand même. C'est déjà ça quand même. C'est vrai, bon, en l'occurrence là ça n'aura pas remboursé quoi que ce soit. Parce que si tu calcules en durum, ça fait quand même 5 durum. Hein. Ça fait 5 durum, c'est vrai. Revenu au prix du durum, c'est vrai. Vous voyez, il faut ramener à des choses simples pour c'est vrai, compte. C'est vrai. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est raté, donc tu peux retenter ta chance quand tu veux. En tout cas, les autres auditeurs te remercient, puisque grâce à eux, bah du coup, on ne sélectionnera, grâce à toi plutôt, on ne sélectionnera quelqu'un qui s'est inscrit que entre 7h10 et 8h10. Ce sera tout à l'heure, dans moins d'une heure. On appellera quelqu'un, donc inscription, vous le savez maintenant, 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Bonne chance, et je vous l'avais promis tout à l'heure, tiens, un bon son bien lourd ce matin à 7h13, le son de Dr. Dre maintenant, avec Snoop, The Next Episode. Bonne matinée sur Fun Radio, Mickaël à la radio. Le son de Dr. Dre à l'instant sur Fun Radio. Smoke. Smoke weed every day. Oh bon, on laisse le bout quand même, c'est normal. Il est 7h15, bon réveil tout le monde. On va prendre Carole qui est avec nous maintenant. Carole ou Caroline? Carole. Bonjour Carole. Namur. Bonjour Carole 107.5 pour écouter Fun Radio à Namur. Oui. Ah, tu m'entends, tant mieux. Carole, tu as quel âge? 39 ans. 39 ans, très bien. Carole, tu as le kit ma livre qui est d'une médiocrité relativement énorme. Hein. Il ne marche pas très très bien, faut le dire quand même. Hein. Carole, tu as la réponse à la devinette qui colle. Alors, la devinette qui colle, c'est la suivante. Pour unir et pour assembler, son pas doit être enfoncé. Pour ce faire, il n'y a qu'une recette. Il suffit de lui tourner la tête. Qui est-elle? Qu'est-ce qu'on cherche? Une vis. Eh ben oui, une vis avec un tournevis, elle peut être cruciforme ou plate justement. Bah oui. Bon, eh ben c'est gagné, Carole. Tu repars avec un écran plat ou avec un pack Nintendo. Oui, tu choisis quoi? Ça va prendre la Nintendo. Eh ben la Nintendo, oh. Oui. Eh ben y a pas de problème, on va t'envoyer ça rapidement à Namur, Carole. Bien, le courant, merci. Continue. Mais je t'en. Bah c'est gentil, Carole. T'es de quel signe, dis-moi? Lion, d'accord, ok, très bien, une lionne. Eh bien, nous allons en parler avec l'horoscope de Doudou, tiens, dans un instant. Salut Carole et bonne journée. Salut. Et puis il y aura David Guetta dans un instant aussi avec Usher, ce sera Without You. Fun Radio. L'horoscope. Mais d'abord, l'horoscope évidemment. Comment ça va Doudou ce matin? Oh là là là là, comme quelqu'un qui a pas dormi. Bah, qu'est-ce qui vous arrive encore? Hier, je suis allé dans une soirée Zouk Love. Oh là là, je suis rentré avec Marie-Adeline. Ah bon? Et vous avez fait l'amour toute la nuit? Ah non, pas du tout. Elle avait un peu abusé du petit punch et quand on arrive à la maison, elle s'est endormie comme une merde. Aïe. Ouais, et le problème, c'est qu'elle a ronflé toute la nuit. Évidemment, heureusement vous êtes venu à la radio ce matin. Hein. Ah oui, ça y est, je l'entends plus. Enfin, ça siffle encore un peu dans mon oreille. Bon, bah ça va. Bon, les béliers, on va commencer par eux, tiens. Oui, vous avez dû faire des efforts pour mettre de l'ordre dans vos finances. Oui, bon, ça rend pas bien compte. Les taureaux. La routine va de nouveau. La fin de la. Va de nouveau. Vous avez. Pardon. Oh, c'est pas facile ce matin, mais on voit, il a pas bien dormi. Hein. Oh là là, oui. La routine vous a de nouveau. La fin de semaine va être épouvante. Ouais, les gémeaux. Vous avez fait un geste qui n'a pas été oublié et qui aura des conséquences positives dans l'avenir. Les cancers. Votre opinion va être très demandée lors de la prise d'une décision importante. Ah bah voilà, tiens, Julie. Tiens, les lions maintenant, c'est comme Carole qu'on vient d'avoir au téléphone qui a gagné la Nintendo Wii, hein. Oh là là, oui, vous êtes à envier, on vous fait une proposition intéressante sur le plan professionnel. Très bien, les vierges. Oh là là, c'est une période difficile qui s'annonce. Ah bon? Oh là là. Ah bah, très bien. Les balances. Alors, vérifiez vos dépenses et réglez tout ce qui n'a pas encore été fait. D'accord, les scorpions. Vous avez en ce moment tendance à repousser les choses désagréables, mais vous ne pourrez pas le faire éternellement. Les sagittaires. Travaillez à votre sensibilité, sinon vous risquez de récolter la colère. Les capricornes. Ne vous laissez pas stopper par qui que ce soit. Les verseaux. Vous avez tendance à en demander trop. Très bien, les poissons, voilà, c'est ça, c'est pour la fin. Oui, ça vous posera des problèmes si vous ne travaillez pas de façon concentrée et en vous laissant distraire facilement. Évidemment, bon ben merci Doudou, on vous retrouve tout à l'heure. Bah de rien, avec plaisir. Allez, à tout à l'heure, alors dans moins d'une heure, le retour de l'horoscope sur Fun Radio. Et à 7h19, on écoute David Guetta maintenant avec Without You et on vous fait découvrir un nouveau talent, un énorme talent. C'est juste après David Guetta sur Fun Radio, restez là. 7h22 sur Fun Radio, et à l'instant, c'était le son tout simplement de David Guetta avec Usher et Without You. Et nous avons maintenant, avant de parler de ce grand, énorme talent dans quelques instants, la bonne réponse à la question que j'ai posée tout à l'heure pour gagner Football Manager 2012, qui est avec nous. Bonjour. C'est Laurent. Oui, bonjour. Salut Laurent, comment ça va? Ça va, très bien. Bon, passez une bonne soirée hier soir. Ouais, j'ai joué au squash, donc ça a été. Ah, t'as joué au squash? Je croyais que t'avais passé une soirée de footeur, regarder du match, regarder du football. Ben, j'ai joué au squash entre les moments, j'étais sur LiveScore pour un score. Ah, il y a MTV dans le squash, donc c'est excellent. D'accord. Bon, alors, la question pour repartir avec Football Manager 2012, le nouveau jeu Sega sur PC qu'on vous file toute la semaine, le matin dans le morning et le soir dans la libre antenne. Quel est l'auteur du doublé hier pour le Real de Madrid? C'est Cristiano Ronaldo. Eh oui, sur un pénalty et sur un coup franc. Enfin, d'abord sur un coup franc et puis sur un pénalty. Donc, bah, bravo à toi, Laurent. Tu repars avec Football Manager 2012 qui arrivera chez toi rapidement. Ben, je t'en prie, y a pas de problème, Laurent. Ben, passe une bonne journée. Mais je t'en prie, à bientôt, Laurent. Merci, salut Laurent, ciao à toi. Bon bah voilà une bonne nouvelle, tiens, qui est parti là-bas directement. C'est Football Manager 2012. On remet le couvert tout à l'heure, hein, donc avec Football Manager 2012. Donc si vous voulez vous aussi le gagner, restez avec nous. On va également dans un instant tout simplement vous poser une nouvelle énigme pour repartir également avec des écrans plats. Ça arrivera dans quelques instants. Mais avant cela, évidemment, eh bien il faut que je vous parle de la nouvelle star du rap. Une meuf qui va tout déchirer. Du très très lourd, du trop lourd, du beaucoup trop lourd pour le matin. C'est un peu la nouvelle star. C'est un peu la nouvelle star. Avant cela, vous n'avez évidemment certainement pas oublié cette Amandine. On dit qu'on est riche avec 50 euros là-bas, ça fait 333 000 CFA. Voilà, c'est très difficile. C'était une Française, Amandine du 38, le département, qui n'a toujours pas abandonné le rap. Hein. Donc si vous voulez miser sur elle, on sait jamais, comme Grégoire, hein, elle a un compte sur My Major Company. Hein, donc. C'est jamais. Bon, il y a quelques semaines, je vous avais aussi fait découvrir Momo Croco. Je suis Momo Croco. Le matin dans mon monde, j'ai les crocs. Hey. Je suis affamé de manger des noix de coco. Wesh. Ouais, hey. Ça c'était une découverte Fun Radio. Hein. Ah, attention, exactement. Ouais. Une découverte Mickaël à la radio. Juste à prendre cette découverte pour c'est moi. C'est ici que vous l'avez découvert, voilà. Il y a quelques semaines. Exactement. Eh bien, oubliez tout ce que je viens de vous passer. Aujourd'hui, la vraie star. C'est elle. Laura de... De Beauvais. Yes, mama. Yes. Eh oui. Eh oui, Beauvais. Qu'est-ce tout de suite. Que ça tout de suite, ça fait rêver. Tu vois, t'en as plein, ils sont là. Ouais, man, from LA, California. Non, elle vient de Beauvais. Et ça, c'est beau. Ouais. Mais heureusement, Laura, elle est bilingual, bien évidemment. Pour donner, peut-être quelques airs un peu plus percutants dans ses sons. Hein, enfin, je pense. You got the gun, Mister You, mon pote. Ouais, oui, mon pote. Voilà. You got the gun, Voilà, c'est Laura du 60, cette fois-ci en France. Hein. C'est aussi des paroles engagées, évidemment, pour un monde meilleur. Arrête la vodka, la miss. Yes. Wow. Yeah, yes. Voilà. Ouh là là, c'est vraiment très difficile. Ah oui, c'est même. Très dur. Mais c'est aussi. C'est très engagé, surtout. Ah bah oui. C'est des paroles fortes qui. Mais bien sûr. Mais c'est aussi une plume hors du commun avec des phrases et des rimes. Bref, comment vous dire. Recherché. Oui. Riche. Non. Enfin, je sais pas exactement. Écoutez. Ouais, je m'en fous de tout. Ouais, les racailles jusqu'au bout. Ouais, vive le Beauvais. On est toujours ici. On va foutre le bordel. Eh oui, on va foutre le bordel. Ouais. Eh ben, reste bien à Beauvais, hein. Ce sera parfait comme ça, je pense. Hein. Voilà. Et bien, merci à Laura. Hein. On va vous mettre la vidéo en entier sur le site, sur mikael.fm. Comme ça, bien, vous verrez toutes et tous ce grand moment, cette grande chanteuse. C'est ça. Arrête la vodka, la miss. Yes. Wow. Yeah. Yes. Ouais. Et voilà. Bon, dans un instant, sur Fun Radio. Bon, on aurait préféré passer Laura, mais on se contentera de Jason Derulo dans un instant, tiens. Avec It Girl sur Fun Radio. Ça va arriver sur Fun avec l'info de Julie également. Ce sera dans 3 minutes. Restez bien là. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean Rock. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas. Il est relou. Il est 7h30 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde, l'info arrive dans un instant avec Julie. Et attention, la devinette qui colle, c'est pour repartir avec un écran plat ou avec un pack Nintendo Wii, comme chaque matin, toutes les heures ça tombe. À l'issue de Noir Combat, on l'a scellé maintes fois. Elle vous remplit d'émoi lorsqu'elle est passée au doigt. Qui est-elle? Si vous avez la bonne réponse, 63 22 pour envoyer justement ce message. C'est 1€ le message. Vous repartirez peut-être avec un écran plat ou avec une compile. Je vais y arriver. Voilà, hein. Avec une console. Hein. Je veux dire package et console, et donc ça fait n'importe Allez, quoi. Enlève cette patate que avec dans une la bouche. Console, oui. Un indice éventuellement à donner. Je répète, à l'issue de Noir Combat, on l'a scellée maintes fois. Elle vous remplit d'émoi lorsqu'elle est passée au doigt. C'est surtout ça, évidemment, qu'il faut retenir. C'est la dernière phrase. Hein. Pigeon ? Pigeon. Non ? Ah ouais. Oui, c'est vrai qu'on peut en mettre. Oui, c'est vrai, on peut mettre à la pâte. À la papate. Oui, exactement. La papate du pigeon. Si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas. Il est également seigneur. Oui. Voilà. Enfin, c'est un indice comme ça, vague. Mais je vous donnerai plus d'indices dans un instant. Allez, l'info maintenant. 7h31 sur Fun Radio. C'est avec Julie. Bonjour à tous. Un bijoutier a abattu l'un de ses agresseurs hier soir à Esneux, en province de Liège. Alors qu'il rentrait chez lui, le commerçant âgé de 67 ans a été attaqué par deux hommes qu'il avait poursuivis depuis son magasin. Le bijoutier, qui était armé, a réussi à s'emparer de son pistolet et il a fait feu sur les deux hommes qui l'attaquaient. Les deux individus ont alors pris la fuite, mais l'un d'eux s'est effondré quelques dizaines de mètres plus loin. Il est alors décédé sur place. Son complice, qui a pris la fuite, n'a pas non plus pu être identifié. On ignore s'il a été touché par les tirs. Politique, chaque parti qui négocie devra rendre un plan pour trouver 11,3 milliards d'euros et boucler le budget 2012. Et des échanges d'informations complémentaires seront aussi prévus cet après-midi entre les équipes du formateur Elio Di Rupo et celles des présidentes parties. Des groupes de travail thématiques portant sur le budget, évidemment, sont également à l'ordre du jour dès demain avec les experts des six parties. Grosse perte pour Brussels Airlines. La compagnie aérienne belge va clôturer l'année 2011 avec une perte record de plus de 70 millions d'euros selon le journal L'Echo. La société pourrait même engloutir la moitié de son capital. La cause de cette mauvaise performance, imputable à la flambée du prix du kérosène et de la difficulté d'exploitation en Afrique. Toujours selon le journal L'Echo, Brussels Airlines ne tiendra encore debout que grâce à la présence du géant allemand Lufthansa, qui détient 45% de son capital. Les dirigeants de la compagnie belge seraient toutefois optimistes pour l'avenir, son chiffre d'affaires ayant augmenté de près de 12% en 2011. Une réduction du personnel et une augmentation des tarifs ne sont cependant pas à exclure. Les violences conjugales ont augmenté de près de 12% en 4 ans. Les 27 parquets correctionnels du Royaume ont ouvert l'an dernier 50 094 nouveaux dossiers concernant des violences conjugales, ce qui traduit une hausse constante depuis que des statistiques en la matière existent. L'augmentation des cas recensés peut partiellement s'expliquer par le fait que cette pratique d'enregistrement est assez récente. Et puis la Grèce doit décider si elle veut rester dans l'euro ou non. Hier soir, Georges Papandréou a rencontré Nicolas Sarkozy et Angela Merkel lors d'un mini sommet de crise à Cannes. Une réunion d'urgence suite à l'annonce de Papandréou d'organiser un référendum en Grèce. La chancelière allemande et le président français ont déclaré qu'il n'y aura pas de versement pour la Grèce tant qu'elle n'aura pas clarifié sa situation. Le référendum annoncé par Athènes devrait avoir lieu le 4 décembre et son enjeu sera la appartenance ou non de la Grèce à la zone euro. Les Européens doivent se retrouver à nouveau ce matin avec les dirigeants italiens et espagnols pour coordonner leur position avant le sommet des 20 principaux pays riches et émergents de la planète, toujours à Cannes. Et puis enfin, en sport, football, en deuxième partie de la quatrième journée de la Ligue des Champions, l'Inter Milan a battu Lille 2-1. Le Benfica a fait match nul 1-1 face au FC Bâle. Le Bayern de Munich a battu Naples 3-2. Villarreal s'est incliné 0-3 face à Manchester City. Et le Real de Madrid a battu Lyon 0-2. Dans un instant sur Fun Radio, Jazz and the Room, ce sera Hit Girl et nous allons passer à la météo. Le ciel sera très chargé en début de journée et puis quelques éclaircies vont faire leur apparition finalement de la faible pluie sur le sud-ouest l'après-midi avec l'arrivée d'une perturbation peu active, ce qui veut dire qu'il va pleuvoir mais pas trop, température jusqu'à 20 degrés. Par contre demain, la perturbation arrosera copieusement le pays. Oui, et je tiens à remercier également les grands météorologues qui ont annoncé moins 25 degrés pour l'hiver, hein, en disant oui, il va faire un hiver super froid. Et puis d'autres météorologues qui ont dit non, rassurez-vous, il va faire plutôt doux cet hiver, donc comme d'habitude, on n'en sait rien. Ça dépend en qui tu veux croire. Hein. Ce sont les Hollandais, les Allemands qui ont dit moins 25 degrés et les Belges ont dit non, il va faire très doux. Ouais, alors écoute, en qui tu fais confiance? Je pense que ni l'un ni l'autre, on verra bien. Hein. Mais c'est pas les mêmes qui avaient dit qu'il allait pas neiger l'année dernière? Ouais, non, mais écoute, là ils disent qu'il n'y aura pas de Noël blanc, c'est sûr. C'est surtout les mêmes qui avaient annoncé un été caniculaire. Ah oui, c'est vrai. Bon, ça va, on est tranquille alors. Bon, allez, on va parler de l'info en plus maintenant. On peut s'attendre à tout. Alors, une info en plus qui va faire vraiment très plaisir à Toff. Ça y est, le calendrier hot des hôtesses de Ryanair est en vente. C'est drôle que t'en parles, je viens de le mettre sur Twitter et je leur dis, c'est marrant parce que j'ai déjà voyagé avec Ryanair, j'ai jamais vu ces filles moi. Mais écoute, voilà, la compagnie aérienne qui dessert d'ailleurs l'aéroport de Charleroi, pour ceux qui ne le savaient pas, lance donc son calendrier 2012 pour le plaisir des passagers masculins surtout, car on y voit des hôtesses en très petites tenues et elles sont très très jolies. Hein. Bah oui, j'ai regardé un peu les photos, on les mettra j'imagine sur Mickaël. Évidemment. Bon, FM, le blog de la radio, parce que ça vaut quand même le détour. Alors c'est pour bon, ils vont vendre ce calendrier pour la bonne cause. C'est pour récolter des fonds pour l'association Des Bras contre l'épidermolyse bulleuse. Alors qu'est-ce que l'épidermolyse bulleuse? Eh bien c'est pas très très sexy, parce qu'en fait cette maladie se caractérise par la formation d'ampoules et de bulles au niveau de la peau et des muqueuses. Oh, c'est sympa, une maladie qui peut parfois être mortelle. Donc voilà, ils vont vendre ces calendriers pour récolter des fonds pour cette association. Vous pourrez le trouver à Charleroi Airport. D'accord. Bah toi, ce serait bien que tu appelles à Ryanair pour taper scandale, parce que bon, il y a un moment, faut pas se foutre de notre gueule, quoi. Évidemment, dès demain, j'appellerai. Bah, effectivement, voilà. Quand on voit la tête des hôtesses de l'air, on se demande un petit peu où est-ce qu'elles sont cachées. Parce mais que c'est ça, ouais. Jamais vu des hôtesses de l'air aussi jolies. Il doit avoir une hotline à 100€ la minute. Probablement. Probablement, ouais. Bon, allez, dans un instant sur Fun Radio, 7h36. Dans un instant, nous allons faire un petit Mickaël Réveille la Belgique. Et cette fois-ci, ce sera Réveille un auditeur avec Love, qui est chez un auditeur. On écoute Jason maintenant. Jason Derulo sur Fun Radio à l'instant. Hit Girl, 7h39. Bon réveil. Il y a Rihanna qui arrive avec Calvin Harris. On aura aussi la ligne anti-relou, l'infotrafic. D'ailleurs, si vous êtes coincé dans un bouchon, n'hésitez pas à nous prévenir de manière à ce qu'on puisse prévenir les autres auditeurs. Hein. Un petit peu la fun solidarité. Vous envoyez un petit SMS pour ça au 3044, c'est 50 centimes le message. Ou alors vous nous tenez au courant via le Facebook ou le Twitter de l'émission. Vous suivez Mickaël officiel. Vous nous envoyez les messages tout simplement. Je vous rappelle la devinette qui colle là, pour repartir avec un écran plat ou un pack Nintendo Wii. À l'issue de Noir Combat, on l'a scellée maintes fois. Elle vous remplit d'émoi lorsqu'elle est passée au doigt. Qui est-elle? Si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas. On peut aussi en parler quand... ça a l'air un peu perché, hein, je pense. Quand il y a plusieurs sociétés qui se mettent ensemble pour en faire former un groupe, on dit que c'est une... Ou mariage, c'était plus ça. Oui, ou mariage aussi, effectivement. Oui, l'un ne va pas sans l'autre. Hein. On ne peut pas se marier sans elle, normalement. Bon, ça ne reste qu'un détail dans l'absolu, mais c'est comme ça, c'est normal, il faut que ce soit comme ça. Un indice éventuellement à donner, Julie? J'avais déjà dit pigeon, moi. Pigeon, effectivement. La bonne réponse au 63-22, bonne chance. Nous avons Lob maintenant en direct de chez un auditeur, a priori, pour un réveil la Belgique. Allô, Lob? Oui, allô, Mickaël? Oui, pour une fois, il ne crie pas. Oh, Mickaël! Oh, ça fait. Tout doucement aujourd'hui, ouais. Parce que voilà, donc là, tu m'entends bien quand même? Oui, très bien, oui. T'inquiète pas, continue. Donc voilà, je suis chez Nicole. Chez Nicole, qui veut donc réveiller sa fille, Natacha. Alors voilà, donc on est à Rouen, rue Alfred Dufuisseau. Oui, ne pas le reste complètement. Oui, donc nous sommes au 42, le numéro de téléphone est le 04. Bon, alors, donc tu es chez Nicole et donc elle veut réveiller sa fille. Quelle connasse, alors. Ouais, voilà, alors comme arme, on a un mégaphone, une corne de chasse et une bouteille d'eau froide. Ah ouais, d'accord, donc voilà. Ne crie pas dans le mégaphone, hein. Non, il n'y a pas de souci. Donc, tu veux que je te passe 2 minutes, Nicole, avant qu'on réveille la fille ou On se pique parce qu'il reste 1 minute 20 avant la pub, malheureusement. Ah, bah ça va, alors on va vite monter. Voilà, donc on arrive dans les escaliers. Vas-y. Voilà, attention, on arrive devant la chambre. Voilà. Non, mais regarde. Voilà. Je le crie. C'est juste que la meuf là, elle a fait un arrêt cardiaque, quoi. Grave. Et tous les voisins aussi d'ailleurs, mon ami. Le tiers de ça, mais je peux tuer le mec qui rentre dans ma chambre. C'est clair. Passe à nous. Bonjour Natacha. Bonjour. Non, voilà, Natacha. Vous êtes malade. Bonjour Natacha. Je veux dire un petit mot à l'antenne. Oui, passe à nous. Bonjour. Allô Natacha. Oui. Eh, mais il est complètement con le mec qui a fait ça, il faut le taper, hein. Ah ouais, n'hésite pas. Oui. Je me suis trempée là maintenant. Ah, parce que t'as eu de l'eau aussi? Oui. Oh, bah quel bon réveil. Bonjour Natacha. C'est horrible. Mais ça va. Commence bien. T'as l'air quand même encore en bonne forme. Moi j'aurais tué le mec, hein, je te le dis direct. Moi j'aurais balancé son portable. Ah bah vas-y, mais tu peux y aller Natacha. Et bien voilà un petit réveil sympathique malgré tout. Hein. Bonne matinée Natacha. Hein. Merci. Ben voilà, si vous voulez faire pareil avec vos amis, vos enfants, vos parents, vos frères, vos sœurs, n'hésitez pas à nous contacter. 3044, bien évidemment, débutez le message par réveil. Voilà. Bon, allez, dans un instant sur Fun Radio, c'est Rihanna qui arrive. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Il est 7h47 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. Mickaël à la radio jusqu'à 9h30 avec l'info trafic. Que se passe-t-il sur les routes? Accident sur la Nationale 4, Luxembourg, Arlon-Lamur en direction de Bruxelles à hauteur de Pessou. Le passage difficile au kilomètre 89. D'accord, très bien. Bon, bah si jamais vous êtes témoin d'un problème sur la route, n'hésitez pas à nous transmettre l'info 3044 par SMS, c'est 50 centimes le message. Ou alors vous nous envoyez un petit message sur le Facebook de l'émission ou le Twitter. Hein, c'est Mickaël officiel. Dans les deux cas, vous tapez ça pour nous rejoindre. N'hésitez pas. Allez hop, on y va, c'est parti. La ligne anti-relou. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Fun Radio. Et nous allons maintenant vous diffuser les meilleurs messages laissés sur la ligne anti-relou ce matin. La ligne anti-relou, c'est quoi? C'est un numéro mis à votre disposition pour pouvoir faire ce que vous voulez, vous débarrasser surtout des relous. Mais oui, qu'ils viennent vous accoster, ça vous rend fou, mais c'est normal. Et pour vous en débarrasser, donnez-lui un numéro de téléphone, ils vont croire que c'est le vôtre. Donc il faut retenir ce numéro par cœur, 0-473-86-00-13. Et quand vous allez lui redonner, vous dire ouais, bah écoute, je te donne mon numéro, j'aimerais bien discuter avec toi, mais bon, j'ai pas le temps, faut que je parte, mais on s'appelle, tu appelles-moi. Donc là, il va te lâcher la grappe parce que bah il va être fou comme un dingue, quoi. Il va croire qu'il a fait l'affaire du siècle et il a ton numéro de téléphone, alors qu'en fait, c'est pas le bon. 0-473-86-00-13, on écoute le premier. T'adores ça, mais n'importe quoi. Bon, allez, tu pourrais répondre quand même. Au moins me dire bonjour. Bon, tu me veux ou tu me veux pas? Fais gaffe parce qu'il y a du monde sur la liste. Et j'en ai des prétendants, donc dépêche-toi si tu veux me prendre. Ah, oui. Oh mon dieu. Mais ça, par contre, ça peut exciter les mecs, hein. Oui, ah, mais là, moi j'avais déjà la gaule. Hein. Mais oui, bon, ça, je peux pas l'instant. Si tu veux me prendre. Je vous rappelle qu'elle a quand même le numéro de la ligne anti-relou. Donc, c'est vrai, hein. C'est vrai. Mais enfin, toi, fils, il n'est pas à ce détail-là. Oui. Ah non, moi j'ai aucun détail. C'est-à-dire que... Ah ouais, là, lui, ça, tant que ça marche, ça marche. Bah, allez, elle deuxième. Pourrait ressembler à Shrek, moi ça me va. C'est ça, deuxième message laissé sur la ligne anti-relou ce matin. Francis, j'ai un petit gars, il y a un accident à la voiture. Ça, c'est très dur. Pour revenir. Ce soir, je te rappelle demain ou après-demain. Salut. Ah bah voilà, on va plutôt faire ça à ce moment-là, tiens. Plutôt demain oui, ou après-demain. Oui, ou pas. Ouais, ou pas du tout, en fait, effectivement. Allez, troisième message. Salut, ma petite chérie. Bah écoute, je t'envoie le message que je t'ai dit. Eh ben, j'ai envie de te faire des câlins partout et des bisous sur les lèvres d'en haut et aussi sur les lèvres d'en bas. Mais oui, comme c'est excitant, comme c'est beau. Tu vois, oui, finalement, cette ligne anti-relou fonctionne bien. Ah oui, ça c'est sûr, elle fonctionne bien. Mais c'est normal. Mais c'est normal. M'étonne pas, tu sais, il y a des relous partout. Mais ouais, il y a tellement de relous. 0473 86 0013. Retenez ce numéro de cette ligne anti-relou. On écoute le son de Rihanna maintenant sur Fun Radio avec Calvin Harris. We found love. Et juste après, on va faire chier le monde. Ça sera avec Toff. Il est 8h10. Bon réveil. Le son de Rihanna et Calvin Harris sur Fun Radio, c'était We Found Love. Bonne matinée tout le monde, il est 7h53. Je vous rappelle la devinette qui colle pour repartir avec l'écran plat ce matin, l'écran plat ou le pack Nintendo Wii. À l'issue de Noir Combat, on l'a scellé maintes fois, elle vous remplit d'émoi lorsqu'elle est passée au doigt. Qui est-elle? Ça se fait uniquement au niveau du mariage ou fiançailles, on va dire ça comme ça. Non, mariage. Fiançailles, c'est pas ça. Oui. Bah voilà, ça, en général, c'est pas lors des fiançailles, c'est lors d'un mariage, ouais, par exemple. C'est mariage. Oui. Exactement. Voilà. Tu sais que j'ai toujours pas compris l'indice avec le pigeon. Bah si, parce qu'ils en ont une. Enfin bon, c'est pas ça. C'est-à-dire que le problème, c'est que c'est la même chose. Bon, en gros, c'est pas une bague la réponse. Voilà, c'est pour ça que Julie avait dit ça, parce qu'on met parfois une bague autour de la patte d'un pigeon. Mais là, en l'occurrence, c'est pas ça. Donc, ce n'est pas une bague. Comme ça, vous le savez ça maintenant. Ça porte un autre nom. Là. Ça porte un autre nom, exactement. 6322, c'est 1€ le message. Si vous avez la bonne réponse, eh bien, on vous appelle peut-être dans quelques minutes pour vous offrir votre écran plat ou votre pack Nintendo Wii. Bon, on va faire chier du monde, Toff. Bah oui, puisque tu sais, en fait, moi j'ai vu cette histoire là, ce truc de ouf où en fait t'as un mec qui allait voir son voisin qui l'a buté. Ouais. Et non pas parce qu'il était en embrouille avec lui, mais parce qu'il était persuadé qu'il faisait des avances à sa femme, voire même qu'il couchait avec sa femme, mais uniquement par télépathie. Exactement. Bon. Et je propose que nous appelions, on va où? À Braine-le-Comte? Oui, allons à Braine-le-Comte. Braine-le-Comte, allez, c'est parti, on y va, on appelle à Braine-le-Comte maintenant. Allez hop là, ça ne sonne pas, c'est là. Le temps, Braine-le-Comte. Ouais, faut qu'il se réveille aussi. Bah ouais, mais enfin bon. Allô. Ouais, allô. Allô. Ouais, allô. Oui. Ouais, ouais, je veux parler à ton mari. Pardon. Ouais, je veux parler à ton mari maintenant. Qui êtes-vous? C'est Robert à l'appareil. Il doit avoir erreur, monsieur. Non, non, il n'y a pas erreur, il n'y a pas erreur. Ton mari fait des avances à ma femme. Et ça... Ouais, ouais, ouais, ouais, pardon. Ah ouais, maintenant tu fais moi la maline. Hein. Ouais, ton mari fait des avances à ma femme. Et ça, c'est pas possible, hein, donc il va falloir que ça s'arrête. Oui, mais vous voulez parler... Vous... Mon mari s'appelle comment, monsieur? J'en sais rien, moi, comment il s'appelle. Tout ce que je sais, c'est qu'il fait des avances à ma femme. Et ça, c'est pas possible. Donc il va falloir que ça s'arrête. Bon, vous faites erreur. Monsieur. Non, non, non, non, je fais pas erreur. Ton mari fait des avances à ma femme par télépathie. Je le sais. Je le sais, mais non. Et je sais que c'est ton mari. Bon, c'est ça. Allez dormir. Ah oui, va dormir, attends, c'est une bonne idée, Zadia. On va la rappeler, elle est en forme. Mais oui, je la sens bien. Mais oui, c'est ça. Allez, donc, c'est parti, on rappelle. Ah, des fois que Jocelyne le sente bien. C'est ça. Allô. Ouais, c'est... Oh là, vous... Ça suffit maintenant, hein, dites. Vous vous trompez de numéro de téléphone. Non, non, je me trompe pas, je sais bien que c'est lui. J'ai reconnu sa voix, c'est la même qui fait de la télépathie à la maison. De la télépathie? Mais qu'est-ce que vous racontez? Mon mari ne fait pas de télépathie. Ouais, ouais, il fait pas de télépathie, c'est ça, ouais. Moi, je sais bien, quand, moi, je vois bien quand Jocelyne, elle est en transe, que c'est sa voix que j'entends. Hein. Là, monsieur, on ne connaît même pas Jocelyne et nous, mon mari, nous allons à deux partout. On ne connaît même pas Jocelyne et mon mari ne fait pas de télépathie. Ouais, c'est ça, ouais. Essaye de le défendre. Franchement, ça se fait pas, hein, ce que vous faites tous les deux. Bah, monsieur, mais allez, mais enfin, franchement, dites, nous sommes mariés depuis 40 ans. Monsieur, mon mari, c'est pas de télépathie. Qu'est-ce que vous racontez, là? C'est ça, ouais, c'est facile. Bon, moi, je vous le dis maintenant. Hein. Si... Nous dormions. Bon, maintenant, bonne journée. Je sais pas si vous allez travailler. Ben, allez travailler. Mais laissez-nous tranquille, ok? Allez, et vous vous trompez de numéro de téléphone, monsieur. Je vous assure que c'est pas... C'est pas ici, d'accord? Allez, je vais quand même pas prendre un médicament pour ma tension à cause de vous, hein. Allez, bonne journée, au revoir. Et voyez ça avec votre épouse. Moi, ce qui fait... Eh ben voilà. Moi, ce que je trouve énorme dans toute cette histoire, c'est pas, tu sais, les gens en fait, je les appelle pour dire que le mari fait de la télépathie. Ça, y a pas de problème. Tu vois, non, ça y a pas de problème. Ça, c'est pas choquant. C'est non, normal. C'est juste que je me suis trompé de numéro. C'est très très choquant. Oui, c'est ça. Ouais. Enfin bref. Bon, on rappellera tout à l'heure. Si vous avez des numéros à nous envoyer, n'hésitez pas. Hein. Vous faites un petit message au 3044 et on les appelle tout à l'heure. L'info Julie va arriver dans un instant. Et on écoute d'abord Jim Classy Rose maintenant avec Adam Levine. C'est Stereo Hearse. To my stereo. Le son de Jim Classy Rose à l'instant sur Fun Radio avec Adam Levine, c'était Stereo Hearse. Et dans un instant, c'est l'info de Julie. On rappelle également la devinette qui colle et on vous rembourse vos factures. C'est dans moins de 10 minutes sur Fun Radio. On va également s'écouter le son de LMFAO maintenant. Sexy and I know it sur Fun. Ça va arriver dans quelques minutes. Restez bien ici et je vous explique comment faire pour le remboursement des factures. C'est dans quelques instants sur Fun Radio. 8h pile sur Fun Radio, bienvenue tout le monde, Mickaël à la radio, c'est jusqu'à 9h30, le remboursement des factures c'est dans moins de 10 minutes, et l'info c'est tout de suite avec Julie. Bonjour à tous, un bijoutier a abattu l'un de ses agresseurs hier soir à Esneux en province de Liège. Alors qu'il rentrait chez lui, le commerçant âgé de 67 ans a été attaqué par deux hommes qui l'avaient poursuivi depuis son magasin. Le bijoutier qui était armé a réussi à s'emparer de son pistolet et a fait feu sur les deux hommes qui l'attaquaient. Les deux individus ont alors pris la fuite, mais l'un d'eux s'est effondré quelques dizaines de mètres plus loin et décédé sur place. Son complice qui a pris la fuite n'a pas pu être identifié. On ignore s'il a été touché par les tirs. Quant au bijoutier, il a indiqué ne pas avoir vu d'armes entre les mains de ses agresseurs. Il est actuellement entendu par la police judiciaire de Liège. La juge d'instruction prendra une décision le concernant dans les 24 heures. Politique, il faut trouver un peu plus d'11 milliards d'euros. Maintenant que l'on connaît la somme à rassembler pour boucler le budget 2012, le plus dur reste à faire, à savoir trouver cette somme d'argent. Chaque parti qui négocie doit fournir ses propositions à Elio Di Rupo, le formateur, avant 13h pour réaliser l'économie nécessaire. Une fois les 6 propositions d'économie sur la table, les équipes de techniciens du formateur et celles de chaque parti échangeront des informations complémentaires cet après-midi. Demain, on parlera du budget en groupe technique pendant que les présidents de parti avanceront sur le reste de l'accord du gouvernement. Il reste notamment tout le chapitre asile et immigration à régler. annulée. Grosse perte pour Brussels Airlines. La compagnie aérienne belge va clôturer l'année 2011 avec une perte record de plus de 70 millions d'euros, selon le journal L'Echo. La société pourrait même engloutir la moitié de son capital à cause de cette mauvaise performance et aussi à la flambée des prix du kérosène et de la difficulté d'exploitation en Afrique. Toujours selon L'Echo, Brussels Airlines ne tiendrait encore debout que grâce à la présence du géant allemand Lufthansa qui détient 45% de son capital. Une réduction des personnels et une augmentation des tarifs ne sont pas à exclure. Les violences conjugales ont augmenté de près de 12% en 4 ans. Les 27 parquets correctionnels du Royaume ont ouvert l'an dernier 50 094 nouveaux dossiers concernant ces violences conjugales, ce qui traduit une hausse constante depuis que les statistiques en matière existent. L'augmentation des cas recensés peut partiellement s'expliquer par le fait que cette pratique d'enregistrement est assez récente. La Grèce doit décider si elle veut rester dans l'euro ou non. Hier soir, George Papandreou a rencontré Nicolas Sarkozy et Angela Merkel lors d'un mini-sommet de crise à Cannes. Une réunion d'urgence suite à l'annonce de Papandreou d'organiser un référendum en Grèce. La chancelière allemande et le président français ont déclaré qu'il n'y aura pas de versement pour la Grèce tant qu'elle n'aura pas clarifié sa position. Le référendum annoncé par Athènes devrait avoir lieu le 4 décembre et son enjeu sera donc l'appartenance ou non de la Grèce à la zone euro. Les Européens doivent se retrouver à nouveau ce matin avec les dirigeants italiens et espagnols pour coordonner leur position avant le sommet des 20 principaux pays riches et émergents de la planète et ce sommet toujours à Cannes. Et puis enfin en sport, football en deuxième partie de la quatrième journée de la Ligue des Champions. L'Inter Milan a battu Lille 2-1, le Benfica a fait match nul 1-1 face au FC Bâle, le Bayern de Munich a battu Naples 3-2, Villarreal s'est incliné 0-3 face à Manchester City et le Real de Madrid a battu Lyon 0-2. Et la question dans un instant pour repartir avec Football Manager 2012, c'est dans quelques minutes également. Et à 8h03 d'abord la météo. Le ciel sera chargé en début de journée, puis quelques éclaircies et puis de faibles pluies qui viendront par le sud-ouest. Température jusqu'à 20 degrés demain. La perturbation arrosera plus copieusement le pays. Et je vous explique comment faire pour vous faire rembourser vos factures dans 30 secondes. Fun Radio. Fun Radio. Dans un instant, le remboursement des factures sur Fun Radio. Le principe est simple. Vous envoyez un petit message pour vous inscrire au 6322. C'est 1€ le message. Vous débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Comme là, par exemple, 77€ pour deux petites armoires. Qu'est-ce qu'il y a également? 113€ d'activation pour vous. Bah, c'est dommage, ils font l'activation gratuite. T'es fait escroquer. 103€ pour un pack tu fais de guitare. La pub bah non, mais bon, ils font tout le temps ça. Donc si t'as payé, ça vend pas de bol. 63€ pour le dépannage du chauffage. 61€ pour la taxe de mise en circulation. 50€ pour le concert de Wanda Jackson. Il y a 50€ pour la taxe SMS. Ah oui, Verfun. Bah oui, mais ça, c'est toujours trop aussi. Hein. Et puis, si vous voulez vous faire rembourser vos factures, 63-22, débutez votre message par facture. On vous appelle dans moins de 5 minutes. Et avant ça, eh bien, c'est l'info en plus. Vous avez toujours rêvé d'avoir des yeux bleus. Maintenant, c'est possible. Un médecin. Non, j'ai pas rêvé. Ouais, bah toi, t'en as déjà. Toi, t'en as déjà. Toi, fais pas le mal. Et pourtant, comme quoi, on voit qu'avoir des yeux bleus ne fait pas tout. Ah, ça, c'est sûr. Voilà, tu vois. C'est non, tout ce que j'ai, donc. Oui, on peut au moins laisser ça. Alors c'est un médecin de Laguna Beach en Californie qui affirme donc être en mesure de changer les yeux bruns en yeux bleus. Ah ouais, c'est pas mal. Et alors, d'après lui, la technique, c'est un laser qui va en fait enlever le pigment de la surface de l'iris. D'accord. Parce qu'il explique que sous la couche des pigments bruns, tout le monde a les yeux bleus. Alors la procédure ne dure qu'une vingtaine de secondes et il faut par contre attendre 3 à 4 semaines pour que les yeux perdent toute leur pigmentation brune. Et le coût de l'opération, c'est 5 000 $ tout de même. Quand même, hein. 3 600 €. Et donc, bon, il affirme évidemment qu'il n'y a pas de... C'est sans endommager la vision ou les tissus de l'œil qu'il peut pratiquer donc le changement de couleur de vos yeux. Bah, wow. Le problème, c'est qu'à partir du moment où tu n'es même pas sûr que ce truc fonctionne à 100%, enfin tu vois, ça se trouve, tu peux être aveugle dans 2 ans, quoi, tu vois, tu sais pas. Oui, non, ça fait très peur. Ça fait peur. Bon, voilà, moi, je ne le ferai pas, quoi. Mais... Il affirme qu'il peut le faire et j'imagine que s'il peut pratiquer, c'est qu'on a quand même surveillé un petit peu ce qu'il faisait et que c'est possible. Ou alors là, c'est pas sûr non plus encore cette affaire. Ouais, bon, après, bon. Ils sont tous devenus daltoniens, ceux qui ont essayé, mais bon. C'est ça. Mais ils ont les yeux bleus. C'est vrai. Mais bon, ils ont les yeux bleus. Oui. 8h06 sur Fun Radio, remboursement des factures, c'est dans un instant. Je vous pose aussi la petite question pour repartir avec Football Manager 2012 ce matin. Nouveau jeu Sega qui se joue sur PC, qu'on vous file toute la semaine, le matin et le soir sur Fun Radio. Et en attendant, c'est LMFAO, Sexy and I Know It sur Fun. Bonne matinée. LMFAO sur Fun Radio à l'instant, 8h09. Bon réveil tout le monde, c'était Sexy and I Know It. Dans un instant, la question pour Football Manager 2012. Je vous rappellerai également comment faire pour repartir avec un écran plat. Hein. Sexy and I Know It. L'écran plat, bien sûr, c'est avec la petite devinette qui colle. Mais avant cela, l'urgence. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Mais oui, tous les matins, 7h10, 8h10 et 9h10, on vous appelle en direct chez vous pour vous sortir du lit et vous offrir un remboursement d'une facture. Facture que vous avez demandé évidemment au 63-22. 63-22, c'est 1€ le message. Vous inscrivez tout au long de la journée, tout simplement. Et puis on vous appelle, là, en l'occurrence, on a appelé que ceux qui s'étaient inscrits entre 7h10 et 8h10, puisque à 7h10, ça n'a pas décroché. On va rembourser combien ? 63,78€. 63,78€, si la personne décroche et qu'elle répond à la question, c'est gagné. Allô ? Allô, bonjour ? Bonjour. Bonjour, qui paye les factures le matin ? Mickaël sur Fun Radio. Mais oui ! C'est génial, bien, voilà, merci. Une facture de remboursé, comment t'appelles-tu ? Stéphanie, t'as quel âge, t'es dans quelle ville ? 35 et là je suis sur Bruxelles, je travaille. Sur Bruxelles, très bien, 104,7. Et une petite facture de 62€, c'est pour payer quoi ? Le dépannage de ma chaudière. Ah bah oui, il faut bien, c'est normal, l'hiver arrive. Hein. Ouais, malheureusement. Bah, c'est surtout que ça faisait une semaine qu'elle se lavait à froid, donc. Bah c'est ça, voilà. Bah écoute, c'est super, mais y a pas de problème, Steph, on va te rembourser ça, 62€, on va te faire le virement, on va t'expliquer au rentable comment ça fonctionne. Super, super grand merci. Mais bonne journée. Salut Steph, bonne journée à toi aussi. Au revoir. À bientôt. Elle est contente Steph, hein. Ah oui, la bonne affaire. Heureuse. Ah là là, la bonne affaire. On remet le couvert à 9h10. Si comme Steph, vous voulez qu'on vous appelle chez vous pour vous rembourser votre facture, un seul système, 63-22. Débutez votre message tout simplement par facture avec le montant et l'objet de la facture. Je vous rappelle vite fait la devinette qui colle pour repartir avec un écran plat ou le pack Nintendo Wii. À l'issue de Noir Combat, on l'a scellé maintes fois. Elle vous remplit des mois lorsqu'elle est passée au doigt. Qui est-elle ? Lors d'un mariage, on est obligé de la voir, évidemment, de la passer au doigt, justement. La bonne réponse au 63-22 également. Écran plat ou pack Nintendo Wii. C'est à gagner d'ici quelques instants sur Fun Radio. Il y aura l'horoscope de Doudou qui arrive aussi. Et on écoute maintenant un petit souvenir, tiens. Fait du bien, ça. À 8h12, Christina Aguilera maintenant. Jenny the Bravo. À l'époque, Christina Aguilera était jolie fille. Et le son à l'instant de Christina Aguilera. Mickaël à la radio. Bonjour, c'est Katia Sirica. Tous les matins, j'écoute Mickaël à la radio. Mickaël. À la radio. Exactement, ouais. Tous les matins, on est là sur Fun Radio avec vos messages qui arrivent en direct, évidemment, sur Fun Radio. Ça se passe au 63-22 par SMS. Et là, c'est pour repartir peut-être avec le jeu Football Manager. Ça fait plaisir, un petit Football Manager qu'on va vous offrir peut-être d'ici quelques instants, justement. La question est la suivante. Au Bayern de Munich, il y a un Belge, un diable, qui joue. Quel est son nom ? Facile, si vous avez la bonne réponse, 63-22, vous débutez le message tout simplement par FM12, non pas FN comme le Front National, bien évidemment. FM non, comme erreur, Football Manager, évidemment. Non, parce qu'il y en a qui envoient FN. Ah donc, oui, non, ils sont pas compris. M comme manager 12, et puis vous mettez un espace, et puis la réponse. Quel est le nom du Belge ? Quel est le nom du diable qui joue au Bayern Munich et qui a joué hier soir d'ailleurs en Ligue des Champions ? Si vous avez la bonne réponse, 63-22 par SMS, débutez votre message par FM. C'est aussi simple que ça, FM 12. Bon, allez, c'est parti maintenant pour l'horoscope. Vous attendez ça avec impatience, il est 8h16, on y va. Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. Voilà l'horoscope avec Doudou. Doudou ! Oui, Doudou ! Oui, je suis là. Mais qu'est-ce oui. que vous foutez sous le bureau, Doudou ? Oh, bah, c'est-à-dire que j'ai peur, hein. Non, mais approchez-vous du micro, on n'entend rien, là. Ah, j'ai peur, moi. De quoi ? Pour de quoi ? De peur de quoi ? Mais il y a le mec qui fait des choses par la télépathie, là. Moi, je veux pas qu'il me touche, hein. Non, Doudou, c'est un canular, c'est pas vrai. Vous êtes sûr ? Bah oui. Vous promettez ? Mais allez, on va faire l'horoscope. Oui, oh là là. Allez, ça va bien se passer, vous allez voir. Les béliers, on y va. Oui, bah, on voit bien que vous savez pas ce que c'est, vous. Hein. Bah oui, bah c'est ça. Alors bon, les béliers, vous avez dû faire des efforts pour mettre de l'ordre dans vos finances. Les taureaux. La routine vous a de nouveau. La fin de la semaine va être épouvante. Les gémeaux. Vous avez fait un geste qui n'a pas été oublié et qui aura des conséquences positives dans l'avenir. Les cancers. Votre opinion va être très demandée lors de la prise d'une décision importante. Les lions. Vous êtes à envier, vous avez fait une proposition intéressante sur le plan professionnel. Les vierges. Une période difficile s'annonce. Les balances. Vérifiez vos dépenses et réglez tout ce qui n'a pas encore été fait. Les scorpions. Vous avez en ce moment tendance à repousser les choses désagréables. Vous ne pouvez pas le faire éternellement. Les sagittaires. Travaillez à votre sensibilité, sinon vous risquez de récolter la colère. Ben oui, forcément, les capricornes. Vous ne laissez pas ne vous laissez pas stopper par qui que ce soit. Les Verseaux. Vous avez tendance à en demander trop. Et pour finir, les Poissons. Ça vous posera des problèmes si vous ne travaillez pas de façon concentrée et en vous laissant distraire facilement. Et oui, bien sûr. Merci, vous, Doudou. Oui, on vous retrouve tout à l'heure dans une heure. Hein. Oui, je vais tout me cacher. Eh bien, retournez par là, c'est une bonne idée. Bon, je vous rappelle la petite question pour repartir avec Football Manager 2012. C'est le jeu qu'on vous file, le jeu sur, sur PC, nouveau jeu Sega. Hein. Si vous avez la bonne réponse, 6322, débutez le message par FM12, tout collé. Et puis vous mettez la réponse, quel est le joueur belge, le diable, qui joue au Bayern de Munich? La bonne réponse, nous vous envoyez ça évidemment. Vous n'êtes pas obligé de mettre son prénom, hein, le nom suffira amplement. En deux mots donc, la bonne réponse au 6322, code FM12. Et puis la bonne réponse, bonne chance tout le monde. Côté musique, allez hop là, 8h19, un de mes sons préférés pour l'instant. Tini Tempa avec Wiz, comme il dit, Till I'm Gone sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde, l'info arrive dans moins de 10 minutes. Voilà le son de Tini Tempa à l'instant sur Fun Radio avec Wiz Khalifa. C'était Till I'm Gone. Il est 8h22. Bon réveil si jamais vous sortez du lit. Et puis bon courage. Si jamais vous êtes déjà sur la route, sachez qu'on fera un petit point sur le trafic d'ici quelques minutes. Et si vous êtes témoin d'un problème sur la route, évidemment, on peut faire un point à tout moment. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages au 3044. C'est 50 centimes le message. Ou alors vous nous envoyez tout simplement un petit message. Et là, c'est gratuit sur Facebook ou sur Twitter. Dans les deux cas, vous suivez MIKL officiel pour nous envoyer vos messages en live and direct. Et nous allons faire maintenant la déclaration express. Pour ce faire, nous avons Maxime. Salut Max. Salut Mika. Comment ça va? Ça va, ça va. Bon, bah, bienvenue à toi Maxime. T'as quel âge, dans quelle ville Max? Moi j'ai 20 ans, j'ai Darlon. Darlon, d'accord, ok, très bien. Alors attention Max, tu veux faire une déclaration express à ta copine ou ta future copine? Non, ma copine. C'est ta copine, elle s'appelle Aurélie, c'est ça? Elle s'appelle Aurélie, c'est bien ça? Oui, c'est là. D'accord, ok, très bien. Bon, eh ben on va l'appeler et tu veux lui dire quoi dans l'absolu? Parce que si c'est déjà ta copine, ça sert à quoi? C'est pour un peu fêter nos 3 ans et passer dans une semaine et voilà quoi, c'est pour fêter ça. C'est un petit cadeau pas cher quoi. Voilà. C'est un peu ça. Bon, allez, on l'appelle, tu lui dis voilà, j'ai un truc à te dire et nous on démarre, ok? Ok. Allez. C'est mon cœur? Oui. Je dois te dire quelque chose. Quoi? Il faut que je dise quelque chose. Dis-moi. Bon, bah facile, hein, sur Aurélie, évidemment. Toff ne se sent plus. Ah oui, ça. Ah. C'est beau. Aurélie, ça fait 3 ans qu'on est ensemble maintenant. Comme moi, t'habites à Arlon, non, c'est pas chez les Flamands. Amie de ma petite sœur depuis beaucoup plus longtemps. Donc si jamais je fais le con, tu le sauras directement. Mais t'inquiète pas, je suis pas un abruti. J'ai pas besoin de 50 filles. On habite ensemble depuis maintenant 2 mois. Et depuis septembre, t'as jamais mis de pyjama. Nuit est en dentelle, parfois tu mets rien sur toi. Ça me rend trop gaga, mais bon, c'est tant mieux pour moi. Tu fais pas la tête si je rentre tard du boulot. Même si on t'a dit que je traînais au bistrot. Je sais que t'es maligne et tu crois pas les mythos. Pour ça d'ailleurs, je vais te faire un cadeau. Alors voilà, bébé, ce soir, quand tu rentres, ne dis pas que je suis un connard. J'ai voulu te faire des pâtes et des calamars. Je me suis brûlé, maintenant je marche comme un canard. Aurélie, ça fait 3 ans qu'on est ensemble maintenant. Comme moi, t'habites à Arlon, non, c'est pas chez les Flamands. Amie de ma petite sœur depuis beaucoup plus longtemps. Donc si jamais je fais le con, tu le sauras directement. Mais t'inquiète pas, je suis pas un abruti. J'ai pas 35 ans de filles. Et voilà la petite déclaration express de ce matin. Qu'est-ce que t'en as pensé Aurélie? Bah c'est génial. Eh bah écoute, oh là là, le principal, principal c'est que ça ait marché alors. Qu'est-ce que t'en as pensé Max toi? Vraiment, c'est parfait. Eh bah, voilà. Voilà, vous demandez une déclaration express, vous demandez, on vous sert, il n'y a pas de problème. Eh bah gros bisous tous les deux. Un grand merci. Eh ben je vous en prie, à bientôt tous les deux. Bye bye. Salut. Salut, salut. Eh ben voilà une bonne chose de fait, tiens. Bon ben restez bien là dans un instant sur Fun Radio. La réponse à la devinette qui colle et peut-être un gagnant également pour Football Manager 2012. Ça arrive avec le son de Lucenzo également. Avec Don Omar et Danza Kuduro. Si vous aimez ce style de musique, rencard demain soir, vous le savez, dès minuit. L'invasion latina sur Fun Radio. C'est avec Manu, tous les sons latinos, c'est sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Enfin, on essaye évidemment. 8h29, bienvenue tout le monde. Dans un instant, c'est l'info qui arrive avec Julie. On aura aussi le son de Don Omar et Lucenzo avec Danza Kuduro. Et nous avons David qui est avec nous maintenant pour la devinette. Salut David. Oui, bonjour. Comment ça va, David? Ça va très bien, et vous? Bah oui, on va plutôt bien aussi, David, sois le bienvenu. Bon, David, la petite réponse là, attention, à l'issue de Noir Combat, on l'a scellée maintes fois. Elle vous remplit d'émoi lorsqu'elle est passée au doigt. Qui est-elle? Une alliance. Eh oui, c'est une alliance, effectivement. Eh ben, l'alliance te permet de repartir avec un écran plat ou le pack Nintendo Wii. Que choisis-tu? Un écran plat, et eh ben voilà, tu as choisi, tu l'auras, il n'y a pas de problème, on va te renvoyer au standard, il n'y a pas de problème David. Voilà, merci à toi et merci à Fun Radio. Je t'en prie, salut, à bientôt David. Merci, au revoir. Ciao, au revoir. Et on remet le couvert dans un instant avec une nouvelle devinette qui colle. Avant cela, à 8h30 précise, c'est l'info maintenant avec Julie. Bonjour à tous, le bijoutier qui a abattu l'un de ses agresseurs à Esneux hier soir en province de Liège ne savait pas s'ils étaient armés. Il est actuellement entendu par la police judiciaire de Liège. La juge d'instruction prendra une décision le concernant dans les 24 heures. Alors qu'il rentrait chez lui hier soir, le commerçant âgé de 67 ans a été attaqué par deux hommes qu'il avait poursuivi depuis son magasin. Le bijoutier a réussi à s'emparer de son pistolet. Il a alors fait feu sur les deux hommes qui l'attaquaient. Ils ont pris la fuite, mais l'un d'eux s'est effondré quelques dizaines de mètres plus loin et il est décédé sur place. Son complice est toujours recherché. On ignore s'il a été touché par les tirs. Politique, il faut trouver un peu plus de 11 milliards d'euros. Chaque parti qui négocie doit fournir ses propositions à Elio Di Rupo, le formateur, avant 13h pour réaliser les économies nécessaires. Une fois les 6 propositions sur la table, les équipes de techniciens du formateur et celles de chaque parti échangeront des informations complémentaires cet après-midi. Demain, on parlera du budget en groupe technique pendant que les présidents de parti avanceront sur le reste de l'accord de gouvernement. Il reste notamment tout le chapitre asile et immigration à régler. Enfin, dans les prochains jours, Elio Di Rupo verra chaque négociateur en tête-à-tête. Grosse perte pour Brussels Airlines. La compagnie aérienne belge va clôturer l'année 2011 avec une perte record de plus de 70 millions d'euros. Selon le journal L'Echo, la société pourrait même engloutir la moitié de son capital à cause de cette mauvaise performance. La flambée du prix du kérosène et des difficultés d'exploitation en Afrique sont mises en cause. Toujours selon L'Echo, Brussels Airlines ne tiendrait encore debout que grâce à la présence du géant allemand Lufthansa qui détiendrait 45% de son capital. Les dirigeants de la compagnie belge seraient toutefois optimistes pour l'avenir. Son chiffre d'affaires ayant augmenté de près de 12% en 2011. Une réduction du personnel et une augmentation des tarifs ne sont cependant pas à exclure. La Grèce doit décider si elle veut rester dans l'euro ou non. Hier soir, Georges Papandréou a rencontré Nicolas Sarkozy et Angela Merkel lors d'un mini-sommet de crise à Cannes. Une réunion d'urgence suite à l'annonce de Papandréou d'organiser un référendum en Grèce. La chancelière allemande et le président français ont déclaré qu'il n'y aura pas de versement pour la Grèce tant qu'elle n'aura pas clarifié sa position. Le référendum annoncé par Athènes devrait avoir lieu le 4 décembre prochain et son enjeu sera donc l'appartenance ou non de la Grèce à la zone euro. Les Européens doivent se retrouver à nouveau ce matin avec les dirigeants italiens et espagnols pour coordonner leur position avant le G20 toujours à Cannes. Et puis enfin en sport football, en deuxième partie de la quatrième journée de la Ligue des Champions, l'Inter Milan a battu Lille 2-1. Le Benfica a fait match nul 1-1 face au FC Bâle. Le Bayern de Munich a battu Naples 3-2. Villarreal s'est incliné 0-3 face à Manchester City et le Real de Madrid a battu Lyon 0-2. Dans un instant sur Fun Radio, Don Omar et Lucenzo et à 8h33 c'est la météo. Le ciel sera chargé en début de matinée, puis quelques éclaircies et puis finalement de la pluie qui vient par le sud-ouest cet après-midi. Température de 15 à 20 degrés. Demain, la perturbation arrosera plus copieusement le pays. Eh ben, quelle bonne nouvelle. Don Omar arrive dans un instant comme je vous le disais, mais avant cela, évidemment, nous allons maintenant passer immédiatement à l'info en plus. Quelle était l'info en plus aujourd'hui? L'info en plus, je ne sais pas si vous avez déjà pris l'avion avec Ryanair, oui. cette compagnie aérienne low cost. Exactement, oui, tout à fait. Beaucoup moins cher. Il n'y a que sur le papier qu'elle est low cost. Hein. Non, ça dépend. Si tu gères bien, elle peut être low cost. Mais si tu fais Félix, pas attention. Il travaille ici, il a pour deux allers-retours 40 euros pour Barcelone. Moi aussi, j'avais deux allers-retours pour 1 euro et en fait, je suis arrivé là-bas, j'ai dû payer plus parce que j'avais pas pris imprimé le bon truc. Si tu gères bien, tu payes pas cher. Si tu fais pas attention, si tu lis pas entre les lignes, tu payes plus cher. Et partir sans bagage. Oui, c'est mieux, effectivement. Bon, en tout cas, Ryanair a sorti son calendrier son calendrier avec soi-disant des hôtesses. Ses hôtesses, ouais, les plus hottes. C'est ça, bah, j'aurais bien les voir, les hôtesses les hottes. Non, si, c'est les plus hottes. C'est-à-dire que sur les 300 ou 400 qui travaillent chez eux, ils en ont trouvé 12 bonnes. Ouais, bah dis donc. Voilà, pour le plaisir des passagers masculins surtout, évidemment, on y voit donc des hôtesses en très petite tenue. Le montant récolté sera versé à l'association des bras qui lutte contre l'épidermolyse bulleuse. Cette maladie qui se caractérise par la formation d'ampoules et de bulles au niveau de la peau et des muqueuses. Une maladie qui peut parfois être mortelle. Bon, ça n'est pas très sexy, mais c'est franchement oui, pas très sûr, chouette. Ça l'est beaucoup moins là. Donc c'est pour une bonne cause. Donc, par contre, le calendrier, lui, il est très sexy et vous le trouverez en vente à l'aéroport de Charleroi. Bien évidemment, ouais. Voilà. Quelle bonne nouvelle. Tiens, encore un truc que vous allez pouvoir payer un petit peu plus cher. Tiens. 8h35 sur Fun Radio. La réponse à Football Manager 2012, c'est dans quelques instants. Et la nouvelle devinette qui colle, c'est juste après le son de Don Omar et Lucenzo avec Danza Kuduro sur Fun Radio. Bonne matinée et on aura aussi Julien Derrien. Voilà le son de Don Omar à l'instant sur Fun Radio avec Lucenzo et Danza Kuduro. Il est 8h38. Bienvenue tout le monde dans quelques instants. Même maintenant d'ailleurs, nous allons prendre quelqu'un pour jouer avec nous à Football Manager 2012. Et qui est avec nous? John. Salut John, comment ça va John? Ça va très bien. Bon, bienvenue John. Coupe ta radio John s'il te plaît. Oui. Voilà, parce que sinon ça fait un sale écho là, comme on peut l'entendre. Voilà, ça y est. Je suis en train de conduire le bus là en fait. Ah, tu conduis, ah ouais, d'accord, alors on va faire vite. Alors, John, pour repartir avec Football Manager 2012, tu as dû répondre à une question. Quel est le diable, quel est le belge qui joue au Bayern de Munich? Van Buyten. Eh oui, Daniel Van Buyten. Eh bien, bravo à toi. Le jeu Football Manager 2012 Sega qui se joue sur PC est pour toi. Je dis le jeu Sega qui se joue sur PC, donc Football Manager, c'est pour toi, c'est gagné John. Merci, c'est gentil. Y a pas de problème John. Bah passe une bonne journée et fais gaffe sur la route hein. Merci. Bon allez, salut John et reste au standard, on va prendre tes coordonnées pour t'envoyer ça rapidos. Dans un instant, la nouvelle devinette qui colle, mais avant cela, bien évidemment, nous avons affaire à Julien Derrien. Julien Derrien, c'est un grand reporter qui est toujours là sur le qui-vive. Le soir, entre 17h et 20h, c'est avec Evan que ça se passe dans la tribu. Et écoutez, ça s'est passé hier. L'information du jour, c'est le combat de l'ex-actrice Brigitte Bardot qui demande au Japon de mettre un terme à sa campagne meurtrière de pêche à la baleine dans l'Antarctique. Et ce, car le budget japonais de la chasse à la baleine a été augmenté. Alors pour en parler, on a demandé à Julien Derrien de nous éclairer. Julien Derrien, vous êtes face à l'ambassade japonaise, là? Oui, Brigitte Bardot, hein, elle prêche pour sa paroisse. Hein, elle a juste peur qu'un jour, si elle se retrouve en mer, on la harponne, quoi. Cette femme, c'est un requin dans un corps de baleine avec une tête de verrou. Julien, ne soyez pas désagréable, c'est quand même une belle initiative que d'essayer de sauver les animaux, non? Sauver les animaux, mon cul, tu vas pas me faire croire qu'avec le poids qu'elle a, elle bouffe pas de la viande, hein? Mais il faut préserver les espèces. Bon, vous en foutez de toute façon, à mon avis. Mais si vous voulez des bons sushis, il faut protéger par exemple le thon rouge. Hein. On s'en branle, le jour où il n'y a plus de poisson, on fera des sushis au porc et basta. Non. Vous n'avez aucune aspiration écologique là-dedans, c'est pas possible. Rien ne vous touche, Julien. Ah si, attendez, il faut sauver les cabillauds. Non, parce que moi j'adore le filet au fish chez McDo. Déjà, ça c'est important. Et quand j'y repense là, Brigitte Bardot, elle était belle à l'époque. Et j'arrive pas à comprendre comment on peut passer d'un canon de beauté à une épave de bateau en plusieurs années. C'est pas possible quoi, elle était en première ligne d'AZF ou de Fukushima. Hein. Je crois que pour une fois vous n'avez pas tort. Allez, merci Julien. De rien. Et ben voilà, Julien Derrien qui sera de retour ce soir dès 17h avec Evan dans la tribu, avec toute la tribu d'ailleurs, Monsieur Milan, Noémie entre autres. 8h41 sur Fun Radio, nous allons maintenant vous donner justement la nouvelle énigme pour repartir avec un nouvel écran plat ou une nouvelle console Wii. Écoutez bien, alors attention, je l'avais sous la main il y a deux secondes, ça y est. Son trait, alors tout à l'heure c'était l'Alliance, hein, là maintenant c'est, écoutez bien, son trait est dépourvue d'esprit, mais elle ne manque pas de force. C'est un mariage, une fusion que l'on célèbre avec des noces. Qui est-elle? Quelle est la bonne réponse? J'ai un indice à vous donner éventuellement, un gros indice, gros comme une maison. Elle fait la force. Oh. Si c'est pas donné, ah, ça. Oui, si c'est pas donné, ça. Ouais. Non, ouais. Pas du tout. Si c'est pas donné, voilà, elle fait la force. Je répète, son trait est dépourvu d'esprit, mais elle ne manque pas de force. C'est un mariage, une fusion que l'on célèbre avec des noces. Qui est-elle? La bonne réponse au 6322, c'est 1€ le message. Il y a un écran plat à gagner ce matin. Ou alors un pack Nintendo Wii. Bonne chance, petit indice, elle fait la force. Voilà, comme ça vous savez tout. Dans un instant sur Fun Radio, c'est Kate de Luna qui arrive. Kate de Luna avec Fat Man Scoop, ce sera Drop It Low. Il y aura la ligne anti-relou aussi, l'infotrafic. Hein. Je vous rappelle que si vous avez des infos sur le trafic, 3044 ou alors sur le Twitter, vous suivez Mickaël officiel pour m'envoyer tous vos plans. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. Il est 8h47 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. C'est l'infotrafic maintenant avec Julie, que se passe-t-il sur les routes? Soyez prudents, on nous signale un trou dans la chaussée sur le 429 Lille en direction de Tournai-Bruxelles à hauteur de Marc. C'est la bande de droite qui est obstruée. La situation est dangereuse au kilomètre 21.4. Très bien, donc faites gaffe si vous êtes dans le coin. Je vous rappelle que pour nous donner toutes les infos trafic, si vous êtes coincé dans un embouteillage, si vous remarquez un radar, bref, un bouchon, un accident, n'importe quoi, vous nous transmettez l'info au 3044 par SMS, c'est 50 centimes le message, ou alors un petit message sur Facebook ou Twitter. Vous tapez Mickaël officiel et vous nous suivrez dorénavant, ça fait plaisir. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. Et la ligne anti-relou, c'est chaque matin sur Fun Radio à 7h moins quart, 8h moins quart, 9h moins quart. Les meilleurs messages laissés sur cette ligne anti-relou. La ligne anti-relou, le numéro à retenir par cœur est le suivant: 0 473 86 00 13. C'est un numéro à donner à toutes les personnes qui pourraient éventuellement être susceptibles, pardon, de vous prendre la tête, d'être relou en somme. Si vous pensez croiser une personne de ce genre, ça peut être votre patron, ça peut être, je ne sais pas, votre prof, un ami, l'ami d'un ami qui viendrait vous prendre la tête, retenez bien ce numéro par cœur. Vous lui donnerez ce numéro en disant: écoute, j'ai pas le temps, mais je te donne mon numéro, on s'appelle, hein. Donc le mec va penser que ça y est, c'est l'affaire du siècle, alors qu'en fait pas du tout. 0 473 86 00 13. On écoute maintenant les meilleurs messages écoutés. Maria, c'est Michel, je n'ai plus de nouvelles de toi. Ah, étonnant. Après ta grippe, d'où est-ce que ça peut provenir? C'est pas encore un pépin. À bientôt, chérie. Alors, je ne comprends rien de ce qu'il raconte, hein, donc je pense qu'effectivement, ce n'est pas forcément étonnant qu'il n'ait plus de nouvelles. Hein, enfin, qu'il n'ait plus de nouvelles. On va écouter le message suivant maintenant. T'adores ça, mais n'importe quoi. Bon, allez, tu pourrais répondre quand même. Au moins me dire bonjour. Bon, tu me veux ou tu me veux pas? Fais gaffe parce qu'il y a du monde sur la liste. Et j'en ai des prétendants, donc dépêche-toi si tu veux me prendre. Ah oui, si tu veux me prendre. Ah oui, mais ça excite tout le monde. Julie en première. Ah oui, ah bah tiens. Mais bien sûr, en plus elle aime bien les femmes qui aiment les femmes. Enfin, lui, pas tout, Julie, hein. Il n'y a pas de malaise. Hein. Donc elle est totalement disponible. Un gros bisou à mon amoureux. Mais oui, mais il n'y a pas de problème. C'est son amoureux, ses amoureuses, enfin tout le monde, quoi. Ah bien sûr, ça c'est amoureux. Dans le show business, on l'appelle la tondeuse. Pourquoi, je ne sais pas. C'est vrai, bizarre, effectivement. Voilà, toute grande classe, quoi. Bon, allez, dernier message pour ce matin. 3-6. J'ai un petit gars, il y a un accident à la voiture. Pour revenir ce soir. Je te rappelle demain ou après-demain. Hey. On va plutôt faire ça à ce moment-là. Et je remettrai un petit pastisseur. Je tiens surtout à rappeler que l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer bien sûr avec modération. Il est 8h50 sur Fun Radio. Dans quelques instants, on va encore faire chier le monde. Hein, bah évidemment. Bah voilà, exactement. Ça va se passer avec Toff. Le temps d'écouter le son de Kate de Luna maintenant avec Fat Man Scoop et Drop It Low. Et je vous rappelle dans un instant aussi la devinette qui colle pour repartir avec des écrans plats. 8h53 sur Fun Radio, bon réveil. C'est Kate de Luna à l'instant. C'était plutôt Kate de Luna avec Fat Man Scoop et Drop It Low. J'espère que vous passez une bonne matinée. J'espère que ça se passe pas trop mal au niveau de la route en tout cas. Dans un instant, on aura des places aussi à vous filer pour I Love Techno. Si vous voulez venir avec nous à l'événement fun de l'année, hein, je pense qu'on peut le dire, c'est I Love Techno. Et il y a des places à vous filer, 4 places à vous filer pour aller avec vos potes. Vous envoyez maintenant un petit message aussi au 6322 en débutant votre message par Techno, tout simplement. Vous mettez ensuite vos coordonnées complètes et on vous rappelle d'ici quelques instants. 6322, débutez votre message par Techno avec vos coordonnées complètes. Bonne chance. On va faire chier le monde maintenant, Toff, alors, hein. C'est un peu le concept, hein. Donc, c'est le but, oui. Donc en fait là j'appelle parce que je suis tombé sur une info. C'est un mec qui est allé tuer son voisin. Normal, parce qu'il pensait que cet homme que sa femme le trompait avec cet homme-là parce qu'il par télépathie. Exactement. Bon, alors du coup on va l'appeler, hein. On va en appeler. J'imagine que l'homme a été interné après. Alors, il a été arrêté, mais pour le moment c'est tout. D'accord. Je pense que ce serait bien de penser à l'interner. Je pense que ce serait une bonne idée. C'est mon avis. Hein. Oui. Je vais appeler le juge, je vais lui en parler. Ah bon, c'est allons-y. Il vaut mieux. Bon allez, c'est parti, on y va. On va appeler où? Alors on avait appelé à Brenne Lecomte tout à l'heure, là. Oui, nous allons appeler dans le formidable village d'Ewai. Ewai, très bien. Allez, c'est parti, on y va. On appelle Ewai maintenant. Allô. Ouais, allô, je veux parler à ton mari tout de suite. Allô. Ouais, allô. Alors comme ça tu fais des avances à ma femme? À qui est-ce que vous vous adressez? À toi, c'est à toi que je parle. T'entends pas bien? Ouais, je sais que tu fais des avances à ma femme par télépathie. Et je veux que ça cesse. Hein, tu vas arrêter vous ça vous tout de suite. Numéro, non, je me suis pas trompé. Je sais que c'est toi. Absolument. Je sais que c'est toi qui fais des avances à Jocelyne. Je connais même pas Jocelyne. Ouais, c'est ça. Ouais, tu connais pas Jocelyne. Écoutez, moi, je pose des clamations à la gendarmerie. Si vous ne me dites pas qui vous êtes. Par contre, c'est plus, hein. Ouais, c'est ça. Maintenant, on va poser réclamation à la gendarmerie. Ben, on ira à deux. Hein, parce que moi, j'en ai assez que tu touches ma Jocelyne par télépathie, que tu lui fasses des avances comme ça. Hein. Absolument. Et quoi encore? Ouais, quoi encore? Ben, justement, je veux pas qu'il y ait de encore. Ça s'arrête maintenant. Absolument. Si vous ne me dites pas qui vous êtes, je pose réclamation. Je persiste, hein. Ouais, bah moi aussi. Numéro, moi aussi, je persiste. Je persiste que j'en ai assez que tu viennes chez moi par télépathie pour faire des choses à Jocelyne. Hein, ça suffit maintenant. Vous êtes un peu fou, monsieur, ou quoi? Non, je suis pas fou. Je sais très bien ce que tu fais. Oui, bah tant mieux si vous savez ce que je fais. Allez. Je fais des avances à Jocelyne par télépathie. Ah, il a eu discuté avec sa gonzesse là. Ouais, mais encore une fois, c'est ça qui est énorme. Télépathie. Non, mais la télépathie, c'est pas grave. C'est non, mais il croit pas qu'il est un remouchement là. Peut-être qu'il a pas compris télépathie, c'est possible aussi ça. Ouais, moi j'ai l'impression qu'ils comprennent pas ce que ça veut dire télépathie. Ouais, c'est alors, possible. Pour ceux qui ne comprennent pas non plus, c'est par la pensée. En exactement, fait, voilà, donc méfiez-vous. Bon, oui, méfiez-vous. 8h56 sur Fun Radio, je vous rappelle la devinette qui colle dans un instant sur Fun Radio pour repartir avec des écrans plats ou des packs Nintendo Wii. Et en attendant, et avant d'arriver avec l'info aussi, Julie. C'est Florida qu'on écoute maintenant. Good Feeling, bon réveil, 8h56 sur Fun Radio. Florida sur Fun Radio avec Good Feeling à l'instant, 8h59. Toujours des places pour I Love Techno à vous offrir au 6322 en débutant le message par techno avec vos coordonnées complètes. On appellera quelqu'un dans quelques instants pour lui offrir ses 4 places pour l'événement fun de l'année I Love Techno 2011. Voilà, bonne chance tout le monde. 6322, code techno avec vos coordonnées complètes. Et je devais aussi vous rappeler la devinette qui colle pour gagner les écrans plats. Oui, beaucoup de jeux ce matin sur Fun. Son trait est dépourvu d'esprit, mais elle ne manque pas de force, c'est un mariage, une fusion que l'on célèbre avec des noces. Qui est-elle? Si vous avez la bonne réponse, c'est au 6322 que ça se passe également, un euro le message, avec un écran plat à gagner ou le pack Nintendo Wii, un indice, hein, elle fait la force. Voilà, en tout cas si vous connaissez... Elle peut être sacrée aussi. Elle peut, oui, exactement, tout à fait. Si vous avez la bonne réponse, elle peut être sacrée ou en tout cas elle fait la force, si on en croit la Belgique. Hein. Au revoir. 6322, bonne chance tout le monde. Dans un instant, c'est Britney qu'on écoute. Britney Spears avec Criminal. Et il y a l'info Julie qui arrive dans 10 secondes. Michael, à la radio. Salut, c'est Cartman. C'est toi aussi, tu t'es tapé la merde de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Michael à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Michael, à la radio. Fun Radio. Sinon, pour info, la réponse n'est pas la nuit de noces et encore moins la statue de la liberté. Ah, ça c'est. Elle ça, fait c'est la force. Bizarre. La statue de la liberté ne fait pas la force. Hein. C'est hein. Non. Voilà. Comme ça, vous savez. Ce n'est pas l'alliance. La statue de la liberté, j'ai pas non compris. Non plus, ce n'est pas la bonne réponse. 9h pile sur Fun Radio. L'info maintenant avec Julie. Bonjour à tous. Le bijoutier qui a abattu l'un de ses agresseurs à Esneux en province de Liège ne savait pas s'ils étaient armés. Il est actuellement entendu par la police judiciaire de Liège. La juge d'instruction prendra une décision le concernant dans les 24 heures. Alors qu'il rentrait chez lui hier soir, le commerçant âgé de 67 ans a été attaqué par deux hommes qu'il avait poursuivis depuis son magasin. Le bijoutier a réussi à s'emparer de son pistolet. Il a alors fait feu sur les deux hommes qu'il attaquait. Ils ont pris la fuite, mais l'un d'eux s'est effondré quelques dizaines de mètres plus loin et il est décédé sur place. Son complice est toujours recherché. On ignore s'il a été touché par les tirs. Politique, il faut trouver un peu plus de 11 milliards d'euros. Chaque parti qui négocie doit fournir ses propositions à Elio Di Rupo, le formateur, avant 13h pour réaliser les économies nécessaires. Une fois les 6 propositions sur la table, les équipes de techniciens du formateur et celles de chaque parti échangeront des informations complémentaires. Demain, on parlera du budget en groupe technique, pendant que les présidents de parti avanceront sur le reste de l'accord du gouvernement. Il reste notamment sur le chapitre, tout le chapitre asile et immigration à régler. Enfin, dans les prochains jours, Elio Di Rupo verra chaque négociateur en tête à tête. Grosse perte pour Brussels Airlines. La compagnie aérienne belge va clôturer l'année 2011 avec une perte record de plus de 70 millions d'euros. Selon le journal L'Écho, la société pourra même engloutir la moitié de son capital à cause de cette mauvaise performance. La flambée des prix du kérosène et la difficulté d'exploitation en Afrique sont mises en cause. Brussels Airlines ne tiendrait encore debout que grâce à la présence du géant allemand Lufthansa, qui détiendrait 45% de son capital. Les dirigeants de la compagnie belge seraient toutefois optimistes pour l'avenir, son chiffre d'affaires ayant augmenté de près de 12% en 2011. Une réduction du personnel et une augmentation des tarifs ne sont cependant pas à exclure. La Grèce doit décider si elle veut rester dans l'euro, oui ou non. Hier, Georges Papandréou a rencontré Nicolas Sarkozy et Angela Merkel lors d'un mini-sommet de crise à Cannes. Une réunion d'urgence suite à l'annonce de Papandréou d'organiser un référendum en Grèce. Merkel et Sarkozy ont déclaré qu'il n'y aurait pas de versement pour la Grèce tant qu'elle n'aurait pas clarifié sa position. Le référendum annoncé par Athènes devrait avoir lieu le 4 décembre et son enjeu sera l'appartenance ou non de la Grèce à la zone euro. Et puis enfin, en sport football, en deuxième partie de la quatrième journée de la Ligue des Champions, l'Inter Milan a battu Lille 2-1. Le Benfica a fait match nul 1-1 face au FC Bâle. Le Bayern de Munich a battu Naples 3-2. Villarreal s'est incliné 0-3 face à Manchester City et le Real de Madrid a battu Lyon 0-2. 0-2 exactement. 9h03 sur Fun Radio. Restez là dans un instant, Britney Spears avec Criminal et puis la météo maintenant. Malgré quelques éclaircies ce matin, eh bien, il y aura des faibles pluies sur le pays qui viendront par le sud-ouest. Température jusqu'à 20 degrés. Demain, la perturbation arrosera plus copieusement le pays. Ah, quelle bonne nouvelle. Tiens, dans un instant, on vous rembourse vos factures. Je vous explique comment faire dans 30 secondes. Fun Radio. Fun Radio. Alors, je voulais saluer la personne qui envoie un message avec la bonne réponse pour la devinée qui colle, qui dit « Mais je n'ai pas envie d'y avoir les cadeaux, merci, c'est Steph de Charleroi. » Ah ben, bah, écoute, voilà. Écoute, Steph, ok, d'accord, hein, pourquoi pas. Oui. Pas de problème. Mais c'est bien, il y a des gens comme ça, au moins ils jouent vraiment pour le fun, quoi. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. 9h04 sur Fun Radio, le remboursement des factures, ça va se passer dans 5 grosses minutes. Enfin, 5 minutes tout court. Hein. Si vous voulez qu'on vous rembourse votre facture, un seul moyen, vous vous inscrivez maintenant en envoyant un petit message au 6322, c'est 1€ le message. Et vous repartirez, vous mettez facture en début de message, puis le montant et l'objet de la facture. Et si vous êtes tiré au sort, vous repartez avec le remboursement intégral directement sur votre compte en banque de la facture. 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Qu'est-ce qui lui arrive à Julie là? T'as pris ton médicament ou pas? Bah écoute, non, pas encore. Ah, parce qu'elle est en train de danser sur sa chaise comme une dingue, en fait, tout simplement. Je me motive. Hein. C'était pour savoir si tu voulais simplement qu'on te donne un petit médicament. Avec vous. Ah, t'as vu un petit peu, hein. Ah là là là là là là. Tellement de bonne humeur. Bon, quelle est l'info? Si tu savais tout ce qu'on peut faire pour toi. Quelle est l'info en plus? Alors, l'info en plus, c'est si tu as toujours rêvé de changer la couleur de tes yeux, Mickaël, vu que tu as les yeux bruns, tu n'as pas la chance, comme Toff, d'avoir les yeux bleus. Ouais, mais à côté de ça, j'ai le reste qui est plus chanceux que Toff. Non. Si tu as donc toujours rêvé d'avoir les yeux bleus, bien maintenant c'est possible. Un médecin de Laguna Beach en Californie affirme et donc en mesure de t'aider. En fait, il a travaillé durant une dizaine d'années sur le problème et il a trouvé la solution. Sa technologie, c'est donc un laser qui enlève le pigment de la surface de l'iris. Mm-hmm. Parce qu'en fait, il explique que sous la couche de pigment brun, eh ben, tout le monde a les yeux bleus. Ouais. Donc voilà, donc avec ce laser, il enlève la couche, le pigment de l'iris. Alors évidemment, il affirme que c'est sans endommager la vision ou les tissus de l'œil. Bien évidemment, ça ne va pas dire l'inverse. Bon, c'est un petit peu inquiétant quand même. Alors l'opération ne dure qu'une vingtaine de secondes. Bon, il faut attendre quand même 3 semaines pour avoir les yeux qui ont perdu toute leur pigmentation. Et le coût de l'opération, eh bien, c'est quand même 5 000 $, ce qui équivaut à 3 600 €. Plus la paire de lunettes de soleil à vie après. Oui. Voilà, on sait jamais. Non, mais ça faut faire partie. Oui, ça fait partie de l'investissement. Hein, et le chien aussi, hein, d'ailleurs. Mm-hmm. Donc faut quand même tout prévoir. Hein, donc c'est vrai. Sinon après, on se retrouve comme ça avec des frais à payer en plus là et on est perdu. Ouais, 9h06 sur Fun Radio. Dans un instant, il y aura le remboursement des factures. 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture, tout simplement. 9h06, on écoute maintenant le son de Britney Spears avec Criminal sur Fun Radio. Bonne matinée. Le son de Britney Spears à l'instant sur Fun Radio. C'était Criminal, il y aura Muttonheads aussi qui arrive dans un instant et le... Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Le remboursement des factures, c'est maintenant sur Fun Radio. Allez, allez, allez, c'est parti. On va appeler quelqu'un maintenant qui s'est inscrit par SMS au 6322 en débutant le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Ça peut tomber chez vous à tout moment. On va rembourser combien, Toff? Nous allons rembourser 27,30€. Ah oui, petite facture. Hein. Il y avait 39€ pour un stage de Toussaint, là, pour mon fils, apparemment aussi. Et là, 27,30€, c'est ça? Oui. Bon, bah, si il ou elle décroche, peut-être que ce sera gagné. Hein. Allez, allez. Pas gagné, hein, encore une fois. Allô. Allô, bonjour. Oui. Bonjour, qui paye les factures le matin? Ah, c'est Fun Radio. Eh oui. Eh ben voilà, on va te rembourser ta facture de 27,30€. Non, mais pas Fun Radio, mais pas Fun Radio. Ça va faire de l'écho. Non, on va pas, vous entendrez pas l'écho. Ah bon, comment tu t'appelles? Ronnie. Comment? Ronnie, salut Ronnie. Bon, t'es dans quelle ville, Ronnie? À Forêt, pas loin. Oui. Bah, pas loin de la radio en plus, comme ça tu vois. Ouais, oui, j'avais dit de ne pas mettre la radio, Ronnie, coupe la radio. Ah là, voilà. Tu vois, allez, il coupe pas la radio. Hein. Ronnie? Oui. Je ne vais pas te rembourser si tu ne coupes pas la radio. S'il vous plaît. Je ne vais pas te rembourser si tu ne coupes pas la radio. Non, d'accord, ok. Voilà. Tu vois, quand on parle d'argent, ça va beaucoup. Non. Ronnie, je ne vais pas te rembourser si tu ne coupes pas la radio. Non, il n'y a pas de soucis, je ne coupe pas. Si, coupe justement la radio. Non, mais coupe la radio, voilà. Ah, pardon, tu vois, on va couper, pardon. C'est pour ça qu'il a mis encore plus fort, lui. Ah, bah, tu veux plus? Bah, tiens, hop là. Bon, 27,30€, c'est pour payer quoi, Ronnie? Une facture de fitness. Facture de fitness, eh bah écoute, on va te payer ça sans problème. Y a pas de problème, Ronnie. Bah reste au standard, on va t'expliquer comment ça se passe dans un instant, d'accord? Ok. Salut Ronnie, à bientôt. Salut. Ciao Ronnie, reste au standard. 9h12 sur Fun Radio. Si vous aussi, comme Ronnie ou comme Steph, si mes souvenirs sont bons tout à l'heure, vous voulez qu'on vous rembourse votre facture, 63,22€ par SMS, 1€ le message, débuté par facture, le message avec le montant et l'objet de la facture. Dans un instant, c'est l'horoscope de Doudou et on va écouter Mutton Heads maintenant et Eden Martin, Trust You Again. Nickel à la radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Muttonhead sur Fun Radio. Tous les matins, je n'écoute jamais Mickaël à la radio. Mickaël. Fun. À la radio. Muttonhead sur Fun Radio, l'instant avec Trust You Again. Eh oui, non, pas du tout, c'est pas l'infotrafic, c'est l'horoscope. Fun Radio. L'horoscope. Ben oui, une petite erreur, ça arrive même au meilleur, apparemment. Hein. Bon, 9h16 sur Fun Radio. Bon ça réveil tout le monde. Tous les matins, Mickaël. Oui, c'est cela. Oh là. Bah oui, c'est vrai. Vous savez que ça la met en valeur, hein, comme ça. Mais comme en valeur, ça, ça la met en valeur de me critiquer. Mais comme je suis bon prince, je la laisse faire, car je suis bon. Tu coupes bon. Pas mon micro cette fois? Non, pas du tout. C'est toi qui le coupes d'habitude. C'est ça oui, le pire. Elle me sent même pas compte. Il y aura Mickaël dans un instant avec elle me dit et l'horoscope avec Doudou. Ça va toujours Doudou? Oui, ça va. Vous avez prévu quoi aujourd'hui? Comment ça, j'ai prévu quoi? Bah après l'émission là. Après l'émission, bah je sais pas encore. Dormir? Non, j'ai prévu peut-être d'aller faire un petit tour. Un petit tour? Oui, un petit tour. D'accord, bon bah pourquoi pas. Oui, parce que voilà, comme j'ai Marie-Mélanie qui est à la maison. Ah oui, bah si Marie-Mélanie est là, évidemment. Oui, je vais peut-être aller chercher 2-3 trucs à manger. D'accord, ok. Histoire de fourrer la dinde. Oui, c'est bon. Bon, Doudou, les béliers. Oui, les béliers, vous avez dû faire des efforts pour mettre de l'ordre dans vos finances. Les taureaux. La routine vous a de nouveau. La fin de semaine va être épouvante. Les gémeaux. Vous avez fait un geste qui n'a pas été oublié et qui aura des conséquences positives sur l'avenir. Les cancers. Votre opinion va être très demandée lors de la prise de décision importante. Ah. Les lions. Vous êtes à envier. On vous fait une promotion, une proposition intéressante sur le plan professionnel. Les vierges. Ah, c'est une période difficile qui s'annonce. Les balances. Vérifiez vos dépenses et réglez tout ce qui n'a pas encore été fait. Les scorpions. Vous avez en ce moment tendance à repousser les choses désagréables, mais vous ne pouvez pas le faire éternellement. Les sagittaires. Travaillez à votre sensibilité, sinon vous risquez de récolter la colère. Les capricornes. Ne vous laissez pas stopper par qui que ce soit. Les verseaux. Vous avez tendance à en demander trop. Et enfin, pour finir, les poissons. Ça vous posera des problèmes si vous ne travaillez pas de façon concentrée. Et surtout si vous vous laissez distraire facilement. Évidemment. Merci Doudou, on vous retrouve demain. Mais oui, évidemment. Parfait. Eh bien, demain Doudou, dans un instant, la réponse à la devinette qui colle. Et puis on va s'écouter le son de Mika maintenant avec Elle me dit. Et je vous ferai découvrir un très grand talent dans un instant. Un nouveau talent. Oh, la nouvelle star. Ah, la nouvelle star, c'est du pipi à côté. Nous avons du lourd, du très lourd. Elle me dit Le son de Mika à l'instant sur Fun Radio, c'était Elle me dit, il est 9h21. Dans un instant, il y aura Andy Grammer avec Keep Your Head Up sur Fun Radio. Et nous allons maintenant parler, je vous en avais parlé justement de cette grande découverte que j'avais faite. Grande découverte au niveau d'un talent qui n'a pas de nom d'ailleurs, hein, tellement ce talent est énorme. Je dois vous parler d'une nouvelle star du rap. Une meuf qui va tout déchirer sur son passage. C'est du très très lourd. Encore une découverte Fun Radio. Exactement, oui. D'ailleurs, il n'y a qu'ici qu'on peut découvrir des talents. Ah bah, c'est ça, sûr. C'est clair. D'ailleurs, vous n'avez certainement pas oublié cette Amandine. On dit qu'on est riche avec 50€ là-bas. Ça fait 333 000 CFA. Voilà, donc ouais. C'était Amandine, ouais, Amandine du 38. Du 38 en France, qui n'a toujours pas abandonné le rap d'ailleurs. Hein, si vous voulez miser sur elle, elle a un compte sur My Major Company. Hein, des fois que vous soyez complètement idiot, vous pouvez le faire. Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui a. Bah, c'est ça. Je crois qu'elle a besoin d'un peu d'argent là, pour relancer son disque. Et il y a 60 000 euros, il lui manque. Bah quand même. Et il y a quelques semaines, si vous vous souvenez, je vous avais fait découvrir Momo Croco. Dis que je suis Momo Croco. Le matin dans mon monde, j'ai les crocs. Eh oui. Je suis affamé de manger des noix de coco. Voilà, en plus ça rimait tout ça. On rappelle qu'il venait de Waterloo. Hein. Tout grosse cité quand même. Et oui, grosse Tessie, hein, c'est ça. C'était une banlieue difficile, hein, il le dit vrai. Dans ses chansons, c'est très très dur de vivre là-bas. Bref, oubliez tout ça, aujourd'hui, la vraie star, c'est elle. Laura de Beauvais. Yes, mama. Eh oui, Beauvais, tout de suite, ça fait rêver. Hein. Ah ça, bah. C'est magnifique, tellement beau. Hein. C'est en France, Beauvais. Hein. Ouais, mais heureusement, Laura, elle est bilingual. Oui, ça fait un peu c'est ça. Un peu beauf, surtout. Elle est bilingual. Et pour donner peut-être... peut-être plus percutante dans ses sons, je ne sais pas. Enfin, je crois. C'est pour ça qu'elle est bilingual. You got a gun, Mister You, mon pote. Eh oui. You got a gun, Mister You. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez mal compris? You got a gun, Mister You, mon pote. Voilà. On appelle ça du yaourt, non? C'est ce que les rappeurs font, ils disent un peu n'importe quoi. C'est you ça. Got a gun. Bah, elle a bien compris le concept. Hein. Donc Laura du 60, elle c'est aussi. Sur le concept. Ah oui, c'est aussi des paroles engagées pour un monde meilleur. Arrête la vodka, la miss. Yes. Wow, wow, yeah, yes. Eh oui, yo yo, yes yes, mais on sent que le texte a été écrit avec des professionnels. Attends, elle parle de son expérience là. Mais oui, mais yo. J'allais en parler, figure-toi, puisque forcément c'est aussi une plume hors du commun avec des phases et des rimes. Bref, comment dire recherché. Non. Riche. Non, pas exactement. Enfin, écoutez. Ouais, je m'en fous de tout. Ouais, les racailles jusqu'au bout. Ouais, vive le Beauvais. On est toujours ici. On va foutre le bordel. Eh oui, wesh en place. Voilà. Bon, et ben voilà, reste bien Beauvais, hein, Laura, si tu veux. Y a pas de problème, ce sera parfait comme ça. On vous mettra la vidéo en entier de la chanson sur mikael.fm si vous avez le courage. Hein, une fois que vous n'avez rien d'autre à faire. Jamais. Tu sais, des gens ont le temps. Oh oui, il y en a beaucoup qui ont le temps. C'est les vacances aussi. Bah, cette oui, semaine. En plus, c'est les vacances, c'est vrai. Ouais. Bon, on a quelqu'un maintenant pour la billette qui colle. Évidemment, nous avons Laurent, 25 ans de Gosselies. Salut Laurent de Gosselies, comment vas-tu? Bonjour, ça va super et vous? Bah oui, on va bien aussi. T'as écouté Laura, la star du rap là? Ah, c'est folklorique, hein. Ah, c'est folklorique. Ah, le mot est bien trouvé. Mais, exactement, le mot est plutôt bien trouvé. Bon, alors, à 9h24, tu as la réponse à la devinette qui colle. Son trait est dépourvu d'esprit, mais elle ne manque pas de force. C'est un mariage, une fusion que l'on célèbre avec des noces. Qui est-elle? C'est l'union. Eh oui, c'est l'union, car j'avais donné un indice, hein, elle fait la force, l'union fait la force, bien évidemment. Eh bien, bravo à toi, tu repars avec un écran plat ou un pack Nintendo Wii. Que choisis-tu? Un écran plat. Un écran plat. Eh ben écoute, il n'y a pas de problème. C'est dans la poche. On va t'envoyer ça. Rapidement, il n'y a pas de problème. Je t'en prie, passe une bonne journée. Merci, ça va bien. Bonne journée. Ciao, bye bye. Eh ben voilà, c'est fait. On se retrouve demain pour la dernière de la semaine à partir de 6h du matin avec d'autres places à gagner pour I Love Techno tout au long de la journée sur Fun Radio. Et dès ce soir, la Libre Antenne avec Vince vous offrira encore une fois les jeux Football Manager 2012. Le jeu Sega sur PC, ce sera dans la Libre Antenne ce soir dès 20h. Bonne journée à Julie. Bonne journée, Mickaël. Bonne journée à Toff également. Mais oui. Très bien. Et bonne journée à vous également en rencard. Donc toute la journée sur le Facebook et sur le Twitter et sur le blog. Mickaël officiel, si vous voulez nous rejoindre sur l'un des trois, n'hésitez pas. Et à 9h26, avant d'accueillir dans un instant Walid avec le self jusqu'à 13h, on écoute Andy Grammer maintenant. Keep your head up sur Fun Radio. Bonne journée tout le monde, ciao. Il vous manque déjà? Mais c'est un cauchemar. Pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio. Attendu des jeux de foot revient enfin. Football Manager 2012. Serez-vous le meilleur coach de l'année ou finirez-vous aux oubliettes du classement? Pour le savoir, une seule solution. Mickaël! Écoutez Mickaël à la radio entre 6h et 9h30 toute cette semaine. Et gagnez votre Football Manager 2012. Mickaël à la radio. La seule émission à vous offrir les meilleurs jeux vidéo. Fun Radio. Le son Dance Floor.